Le dernier là pour ce soir, allez, allô. Salut. Ouais, bonsoir. Salut. Salut. Comment tu t'appelles, c'est quoi ton message? Marshall. C'est quoi ton message? Ouais, je vous appelle là parce qu'il y a quelques mois, il y avait une dame qui avait appelé parce qu'elle se faisait battre par son mari. Oui. Mmh. Oui. Et on avait passé mon numéro en off à une auditrice. Mmh. Juste pour vous dire qu'elle m'avait appelé et de ce fait, on a pu notamment le confondre pour des affaires de trafic de stup grâce à moi et grâce à la brigade de recherche. D'accord. Moi j'étais gendarme, je sais pas si vous le souvenez de moi. Oui. Et donc du coup voilà, ce mec c'est ben, pour l'instant il est pas encore arrêté, mais il y a tout son trafic qui a été chopé et lui dans quelques jours on va aller le choper. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas, je lui dirai bonjour de votre part. Non, c'est est-ce pas que la peine. Elle va bien. C'est ça, c'est Martial, est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Et bah c'est l'essentiel. Merci de t'être occupé. Et voilà, et donc après pour remercier, si vous voulez, vous pouvez passer dans ma ville, faire une petite journée d'instruction avec mon peloton d'intervention, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On t'envoie Karel, comme ça tu nous le remets dans le chemin. Tu vas nous le muscler voilà. Tu vas nous le muscler un peu. Oui. Déconne ou quoi, je suis gaulé doc. Ouais. Et je voulais demander, c'est possible d'avoir un petit texte fun? Ouais, on va t'envoyer ça, bien sûr. Ouais. Salut, et avec un bisou de Karina dessus. Ouais. Ah, ça, bah, ça sera fait, gros bisous. Ciao. Et avant de raccrocher, je te fais un petit dédicace. Ouais, vas-y. Alors c'est pour ma chérie, bon je suis obligé parce que ma gueule, elle est russe. Je veux dire juste Ya Tibia Loublou, moi y'a Princess Escrolada, Ya Bayou Tibie, Svayou Terete. Voilà, oh putain, en russe maintenant il manque. En russe, on a fait toutes les langues sans ce soir. Wow. Salut à toi, bisous, ciao Martial. Et rendez-vous dès demain sur Fun Radio 20h. Oui. On sera là, bonsoir Mickaël. Comment ça va? Mais non, mais attends, c'est quoi bien, ce bordel? Je t'envoie une surprise, Karel. Cadeau, c'est cadeau, Karel. Non, non, il va voir Karima. T'as vu? Ah, le sexy chocolat. Pourquoi tu donnes toi, Karel? Bah, parce que je voulais assouvir un fantasme depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, en fait, il faut savoir que Toff est habillé en. Alors, Toff a un bustier. Très court. Oh non, tu m'excites, mec. Sauf un bustier très court, tout lacé partout, avec une petite jambe en une petite robe, pardon, en zèbre. Une horreur. On dirait Britney Spears. Quelle horreur. Je viens de mettre la photo sur le Facebook de l'émission, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, cette horreur. Il a un côté Britney Spears dans Work Beach. Ah ouais, mais juste beach alors. Il est en train de me caresser. C'est une femme à barbe. Quelle horreur. Et tu sais quoi, le duck est en train de nous mater, je crois qu'il bande. Écoute, pas encore. Je tremble de plaisir. Bon, je vous le laisse. Vous pouvez l'avoir. C'est le début de l'excitation. En fait. Voilà. Oui, miam, bien miam. Sûr. Bon, salut à vous, à demain. Hein. Help, à demain. Ciao. Help, help. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Effectivement, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée. Il y a enfin quelque chose le soir à écouter, même la nuit j'ai envie de dire à la radio. Et vous le savez, c'est sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche également de 20h à minuit. Bah continuez à le dire autour de vous, hein, qu'on soit de plus en plus nombreux chaque soir à écouter Mickaël No Limit. Et oui, je sais c'est très très dur, mais J-3 avant l'apocalypse. Eh oui, heureusement qu'on a encore des boîtes à Désir My Crazy Collection à vous offrir, évidemment, ce soir, les mecs. Et oui, 3 jours, J-3 avant la Saint-Valentin. Dylan est avec nous également. Salut, Dylan. Salut, tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Prévu un truc pour la Saint-Valentin? Non. Non, d'accord, ok, très bien. T'as pas de meuf? Si, si. Ah, d'accord, tu prévois rien. Toi, c'est bien, toi, t'es un mec bien, toi. Non, mais t'as raison. T'as raison. Bah oui. Bon, t'as passé une bonne journée, toi, Dylan? Ah ouais, super bonne journée, j'attendais que ça. Eh bah écoute, t'attendais quoi, de passer à l'antenne? Ah bah oui. Eh ben voilà, Dylan, sois le bienvenu chez toi. Est-ce que t'as prévenu tes potes là que tu passais? Ouais, y'a pas de monde qui m'écoute. Bon, eh ben on les embrasse. C'est qui le plus enculé qui écoute là? Le plus enculé qui écoute, Corentin. Corentin, bah tiens, Corentin, c'est pour toi. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Voilà, comme ça, Corentin l'aura eu, tiens. Bon, reste avec nous, Dylan, là, pour réagir à l'émission ou simplement parler avec nous. N'hésitez pas, hein, vous parlez de ce que vous voulez. Vous faites tout de suite le 01 42 48 5000, ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et vous passerez à l'antenne avec nous, comme d'habitude. Sandro qui est là également. Oui. Très bien. Qui est là? Oui, c'est moi. Oui, il faut qu'on parle de cette tenue, Toff. Bah oui, mais enfin, vous m'avez demandé, après, faut assumer, les gars. Bon, il faut qu'on vous mette. Enfin, je vous ai mis la photo il y a quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Allez voir facebook.com/MIKL officiel. C'est quoi cette mini-jupe en zèbre? Bah, c'est Sandro qui me l'a prêtée, je l'ai trouvée très sexy. Je me sens très belle, je vais la garder encore. Quelle horreur! Alors, c'était quoi le délire encore? Je me souviens plus. Pourquoi il s'est habillé comme un sac, comme ça ce soir? Bah, on parlait de déguisement de famille hier et je lui ai proposé mes services. Parce exact. Que je me suis dit qu'il serait mignon. Tout à fait. Et Polo qui est très jaloux de ne pas être habillé comme ça également. Non, franchement, oui. Non, j'ai bien vu dans le regard de Polo qu'il enviait Karel, mais ne t'inquiète pas, je viendrai sur tes genoux. Ah, mais attends, tu m'approches, je te mets une droite. Il avait envie de te mettre une cartouche, il a dit dans les couloirs, il dit putain, je la baisse. Je dis, mais c'est tof. Bah, je le baisse quand même, pas de problème. Il était prêt à te faire un peu de pipeau et tout. Il dit, non, mais tout était prêt. Hein. Ah là là. Ah, mais tout était prêt, un truc de ouf. En plus, moi, j'aurais été toute chaude. Ah, bah, je confirme. Bon, restez bien là ce soir, vers 1h, on fera la première épreuve de ces Jeux Olympiques que nous avons. Il y a eu la cérémonie d'ouverture hier. En direct sur Fun Radio et on fera évidemment la première épreuve tout à l'heure. On aura aussi des packs, des boîtes à désir My Crazy Collection offert par mesdessous.fr. Voilà, ce sont des sous-vêtements qu'on vous offre, des sous-vêtements au bat, ça vaut 100€ et on vous en offre tout à l'heure pendant toute l'émission. On appelle chez vous toutes les 30 minutes pour vous offrir ce pack au bat. Justement, il y a Fred également avec nous là. Salut Fred. Bonsoir toute la team. Comment ça va? Bah ça va tranquillou. Bon bah très bien, sois le bienvenu Fred. Alors Fred, tu avais une colle toi à poser pour tenter de repartir justement toi aussi avec ce pack au bad justement, My Crazy Collection offert par mesdessous.fr. Allez c'est parti, on y va, fait péter la colle Fred. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsque l'on apprend à monter à cheval? Ah je la connais. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on apprend à monter à cheval? Alors oui, bon, bah, je donne pas d'infos, je donne pas d'indices, mais effectivement, je la connais. Donc, c'est pas trop compliqué, mais il faut chercher un petit peu plus loin que le bout de son nez. Voilà, hein, ouais, c'est le seul indice que je puisse donner. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous tapez MIKL par SMS, donc MIKL, les 4 lettres suivies de la réponse. Et vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et je rappelle que vers minuit 30, si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne. Et à ce moment-là, tu auras perdu Fred, tout simplement. Et si jamais personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle par exemple ne décroche pas, ça peut arriver aussi, c'est toi qui gagne, d'accord Fred? Pas de soucis, ça marche. Bon, on te récupère dans quelques minutes pour répéter la colle, là, bouge pas de là Fred. Et puis pour les autres, je vais vous la mettre dans quelques secondes, là. Allez, on va dire dans 2 minutes, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, n'hésitez pas, voilà. Tiens, vous avez envie d'écouter quoi là Dylan et Fred? Là, il y a un son comme ça en particulier que vous avez envie d'écouter ce soir? Showtech, We Like to Party, pourquoi pas, ça peut être un bon plan, ça. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? C'était Cannonball que j'avais, il est où le We Like to Party? Ouais, celui-là par exemple. Non, il est voilà, cool. Ça me paraît pas mal. Sinon, je vous ai calé aussi nouveau cache-cache avec Take Me Home. Je sais pas si vous connaissez celui-là ou pas. Si. Voilà, très bien. Je vous avais prévu aussi le nouveau que je vous avais fait découvrir hier, là, Major Lazer et Shana Paul. Avec Come To Me. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Oui, ouais, c'est bien. C'est aussi New World Sound aussi, non? New World Sound, pourquoi pas, ça fait longtemps, ouais, effectivement. Et puis Daft Punk, hein. Histoire d'être chillé tranquille, pendant que toi va chier, hein. Oui. Voilà, avec Instant Crush. Tu m'étonnes. Bon, et si vous avez envie d'écouter des sons particuliers, n'hésitez pas, dites-moi sur le Twitter par exemple, hein, hashtag MIKL. Et si vous avez envie d'écouter un titre, j'essaye de vous le mettre avant 2h du mat, comme promis, sans aucun problème. Bon, est-ce que vous avez entendu parler, Fred et Dylan, déjà la semaine dernière, hein, on en parlait dans des mecs qui n'arrivent pas à aller plus loin que le missionnaire quand ils sont avec leur copine. On en parlait des mecs, tu sais, qui respectaient entre guillemets tellement leur meuf qui n'osaient pas, qui ne voulaient pas aller plus loin que le missionnaire. Donc c'est les relations sexuelles, c'était vraiment le minimum syndical. Voilà, ils faisaient vraiment le minimum syndical et ils préféraient aller baiser ailleurs. Et je viens de lire un article qui explique ce phénomène et ils disent que c'est le syndrome de la madone et de la putain. Ah c'est bizarre ça. Voilà, j'aime beaucoup le nom. Ouais, c'est le syndrome de la madone et la putain. Alors l'explication viendrait du fait que les mecs sont persuadés qu'une fille ouverte sexuellement va forcément aller voir ailleurs, alors qu'une fille qui n'a pas beaucoup d'expérience restera fidèle et n'aura pas spécialement envie de plus. Ce qui, à mon sens, en tout cas, est totalement faux, puisque la meuf qui a pas vécu grand chose aura envie à un moment d'aller voir ce qui se passe, et celle qui a déjà vécu pas mal de choses, aura peut-être tendance à rester plus facilement à la maison. Donc je sais pas. En tout cas, venez nous dire comment ça se passe chez vous, si vous êtes d'accord ou pas, avec le fait que pour une relation à long terme, il faut absolument une fille avec de l'expérience justement. Et toi t'en penses quoi toi Dylan? Ça peut être intéressant. Ça peut peut être intéressant. Merci Dylan. Ça c'est la réponse du mec qui a pas compris ou pas écouté et qui dit oh, bah, je vais répondre ça comme j'suis ça d'accord. Au moins je suis clean. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est ouais. Trop long. Oui, c'est vrai. Et toi, Fred ? J'en pense pas mieux. T'en penses pas mieux ? Bon, d'accord. Bon, en gros, les autres, dites-nous, est-ce que vous pensez que pour avoir une relation sur du long terme, il faut obligatoirement une meuf qui n'a pas d'expérience ? Mais non. Bah, et c'est ce qui est dit apparemment, en tout cas. Donc, venez nous en parler. C'est des salopes, elles partiront un moment ou un autre. Con, toi. Mais qu'est-ce que t'es con, toi ? C'est quand même exceptionnel, ça. Bon, allez. L'expérience n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Bon, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, on est au cœur d'une heure sans pub et Dylan, on parle de quoi avec toi ? Sois le bienvenu. Salut, bon ben avec moi on va parler des conneries à l'internat. Des conneries à l'internat, c'est-à-dire qu'est-ce que t'as fait comme conneries à l'internat ? Non, ben on en a fait des oui, conneries. Oui, ça, ben, ça j'imagine bien fait, car c'est une connerie, Dylan. C'est pas faux. Eh oui. Alors vas-y, on t'écoute. Bon, on s'amuse un peu à tout. Pouiller les lits, les mettre dans les douches, tremper les draps, le fil plastique sur les chiottes. Ouais, mais sur qui ? Sur, par rapport à tes potes ou au prof ? Enfin, aux surveillants ? Non, par rapport à des potes. Ah, je suis intéressé par le film plastique sur les chiottes. Ah, c'est quoi le film plastique ? C'est quoi le film plastique sur les chiottes ? Là, vous savez, vous mettez un film plastique sur les chiottes, ça se voit pas et quand il pisse, il y en a partout. Mais... Ça on peut le faire une fois à la radio, ça peut être très drôle. Ah oui, ça peut être très... Bah, ça dépend qui va pisser après, mais effectivement ça peut être très drôle. T'en as d'autres comme ça, des petits trucs là qu'on pourrait utiliser ? Qu'est-ce qu'on a fait aussi Si, bon, y a mousse à raser dans le lit et tout. Mousse à raser dans le lit, c'est pas mal, horrible. C'est pas mal. Et quoi, tu cherches des nouvelles expériences ou c'est juste pour te... Ouais, t'as fait le tour. Ah bah ouais, je comprends, t'as fait le tour de tout ce que tu peux. Qu'est-ce qu'il y a comme à faire comme connerie là ? Internat. Bon, perso, j'ai jamais fait l'internat, mais je suis certain que j'aurais pu trouver des petits trucs à la con à la faire, je pense. Bah, il y a... Toi qui as été scout. Non, ouais. Non, ce qu'on avait fait une fois, c'était de déplacer toute une chambre. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends la chambre d'un mec et tu la déplaces dans une autre chambre, quoi. Donc du coup, le mec il rentre, en fait, c'est pas ses affaires, il comprend rien. Ah ouais, c'est pas mal. Mais ça demande beaucoup de... Ça demande un peu de... Ça demande du déménagement, quoi. Hein. Ça demande un peu de travail, mais pas mal. Ça demande du déménagement. Bon, et bah du coup, on va en parler, tiens. Si vous avez des bons plans pour faire chier les potes à l'internat ou les copines, hein, Dylan est en recherche de nouvelles conneries à faire, hein, à l'internat. C'est ça, Dylan, hein, j'ai bien résumé la situation, je pense. Oui, c'est ça. Parfait. Yor Gagasmi qui dit, putain, quelle classe, Toff, avec une jupe zébrée. Je lui ferai des heureux au Bois de Boulogne. Mais ah grave. Bah, il va y aller après pour renflouer un peu les comptes. Là, je suis à sec, là, faut que... Ouais. Secret Kick, il dit, c'est faux, apparemment, par rapport aux femmes, comme quoi, le truc dont je parlais, là, comme quoi les mecs préféraient avoir à la maison, comme femme, une meuf qui n'a pas beaucoup d'expérience, et de se taper une autre meuf sur le côté, plutôt que de prendre une meuf qui a beaucoup d'expérience, puisqu'elle sera peut-être plus facilement tentée d'aller voir ailleurs. Toff m'a dit, hors antenne, il appelle ça un vide-couille. C'est ce que tu m'as dit, Christophe. Tu as des amis qui t'ont dit ça, mais ce n'est pas moi. Ah si, ouais, c'est toi, ça. Ouais. C'est des amis dans sa propre tête. Cindy qui dit, je kiffe t'écouter. Ben, merci Cindy. Estelle également, je vous kiffe. Merci Estelle et Amael. Qui dit, est vraiment dégueulasse, Toff, ce soir, encore plus que d'habitude. Ouais. Et l'émission ne fait que commencer. Oui. Ouais, et j'ai une autre surprise tout à l'heure. Ouais, bah tant mieux. Bon, bah 23h13. Allez, bienvenue sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Et puis on va s'écouter le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy. Bonne soirée tout le monde. Le son de Pharrell Williams, c'était Happy sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est là sur Fun Radio, effectivement, là, avec tous vos messages qui arrivent en direct. Vous pouvez aussi balancer, en plus du numéro de téléphone, bien sûr, tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter et sur Facebook également. Venez nous rejoindre à facebook.com/Mickaël officiel. Je vous ai mis une photo tout à l'heure avec un mec en noir et blanc avec un point jaune sur le nez. Ouais. Alors, il y en a qui n'ont pas vu. C'est énorme. Il y en a chez qui ça marche pas, chez moi ça a marché, chez Toff aussi apparemment. En fait, si vous visez le point jaune pendant 10 secondes et qu'après, donc en fait si vous voulez, il y a une photo, donc la moitié de la photo, il y a une photo en noir et blanc avec un point jaune sur le nez d'un mec, et de l'autre côté c'est juste du blanc, il n'y a rien. Et en fait si vous visez le point jaune pendant plus de 10 secondes, pendant 10 secondes, et que vous regardez direct après le côté blanc, ben vous voyez la même photo mais en couleur. Ouais. C'est énorme. Alors il y en a qui n'ont pas vu, donc bon je sais pas. Mais allez voir facebook.com/Mickaël officiel, il y a Jay Lapointe qui dit salut l'équipe. type. Pour Dylan, il y a l'huile sur le sol à la sortie de douche, le film plastique tendu devant la porte et enlevé des lattes d'un côté du lit. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Il y a Florent qui dit met des œufs frais dans les chaussures. Ah, ça, aussi, c'est bon. Ça marche, c'est pas mal. Vous avez de l'imagination ce soir, c'est pas mal. Il y a Marianne Happy qui dit aussi coup de pelle pour mon meilleur ami qui répond pas à mes messages, il écoute l'émission et il vous adore. Bah évidemment, il faut répondre. Voilà, coup de pelle. Il aurait fallu donner son nom et qu'il se reconnaisse. Il y a Dream Revengers aussi qui dit hello l'équipe de malades, salut à toi mec. Romain également, boîte boulogne partie pour Toff. Et Margot qui dit salut mes salopes, comment ça va l'équipe? Bah, très très bien ma salope. Secret Kiki, moi je trouve que Toff ferait un bon cachet vomitif. Et bah moi j'ai failli gerber, hein. Vous pouvez le voir sur la photo d'ailleurs. Et ouais. Sarah Svati qui dit ne me parlez pas de la Saint-Valentin, merci. Oh ça va aller, t'inquiète pas. Ça arrive même au meilleur, vous savez, d'être célibataire à la Saint-Valentin. Ça peut arriver à tout le monde, vraiment. Bon, et vous êtes resté vierge jusqu'à quel âge, tiens? Quand on parle de Saint-Valentin, je me pose la question. Moi, c'est très. Moi, 17-18. Très tard, 18, très tard. Ouais, 9, ouais. 16, ouais. 16, ans. D'accord. Moi, c'était tout fin 16, ouais. Ou tout début 17, je me souviens plus. Dylan, à quel âge t'as niqué pour la première fois, toi? Pas encore. Ah, t'as pas encore? Toi, t'as encore du matériel neuf? C'est dur, hein? Ah, bah non, c'est pas dur. Pourquoi? T'as 17? Bah, comme. Regarde, la moyenne ici, dans l'équipe, c'est 17. C'est ça, hein. Moi, c'était fin 16, début 17. Polo, c'était 17. Toff, c'était 16. Et bah, c'est début 17, là. C'est-à-dire que c'est lancé, ça. Ah, faut y aller là. Bah ouais, ouais. Bah oui, mais t'as le temps, t'as le temps. Il y a Didier aussi qui est avec nous là. Salut Didier. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah nickel, et toi? Bah très bien. C'est à quel âge toi, ta première fois? Eh ben moi la première fois j'avais 14 ans. 14 ans. Ah oui, donc toi t'as démarré tôt, toi tu fais tomber la moyenne. Il y a Greg également là. C'est à quel âge ta première fois, Greg? Bonsoir à toi. Salut, ça va Mickaël? Très bien Greg. C'est à quel âge ta première fois toi? Oh, moi, c'est l'âge de m'oublier, 14 ans. 14 ans, ah bah, décidément, et comme Didier. Ouais. Bouge pas, Greg. Il y a Nicolas aussi d'Angoulême. Salut, Nico. Salut, Mickaël. Comment ça va? Impeccable, très bon, bien. Bon, alors, à quel âge ta première fois? 17 ans, pour moi. 17 ans, ok, d'accord. Et Sullivan de Bruxelles. Salut, Sullivan. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Bien, et vous? Bah, très bien. À quel âge ta première fois, toi? Moi, c'est encore tout neuf. C'est-à-dire, tu l'as pas encore fait? Exact. Eh bah, tu vois, Dylan, on a trouvé quelqu'un, là. Ouais, 59, j'ai entendu. Eh, 17 ans et il l'a pas encore fait non plus. Tu vois, finalement, t'es pas seul. Et non, et encore. Ah, tu vas sur tes 18 et toi, Dylan, t'as 18 quand? Non, moi je viens d'avoir 17. Oh, bon, bah ça va alors, tu vois, Sullivan est un peu plus en retard. Encore que. En fait, je vous pose la question parce que je tombais sur une étude qui parle des puceaux et contrairement à ce qu'on pense, ce sont les garçons qui restent vierges le plus longtemps, la preuve. Ah. Bah ouais, j'aimerais bien avoir des filles dans le standard là. Appelez-nous là, les filles, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour qu'on puisse en parler. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ceux qui restent vierges ont parfois déjà expérimenté plein de choses comme la pipe, le SM, mais jamais de pénétration. Non mais c'est vrai. Le mec ou la meuf préfère rester vierge pour attendre le bon ou la bonne. Mais par contre, ils ont déjà testé le SM, la pipe, etc. Et chose encore plus incroyable, il y a encore des puceaux qui attendent le grand amour. Ah ça c'est ah bien. Oui, ça c'est. Pourquoi tu l'as pas encore fait, Dylan? Parce que t'as pas trouvé? Parce que t'attends le grand amour? T'attends le mariage? Non, j'attends, je sais pas. Un peu là. T'attends quoi? J'attends. Non mais t'attends quoi? Une meuf qui accepte. T'attends une meuf. Bon, t'attends une meuf qui accepte. Oui, si, elle va accepter. Allez, on mais t'as une meuf ou pas là en ce moment? Ouais, t'as une gonzesse là. Mais ouais, mais. Ah oui, bah oui, il a dit en plus qu'il avait rien prévu pour la Saint-Valentin malgré qu'il ait une meuf. Mais c'est peut-être parce que t'as rien prévu pour la Saint-Valentin que tu vas jamais niquer, mec, hein. Mais aussi. Ah non, on sait pas. On et, sait pas. Et juste un truc, elle l'a déjà fait ou pas? Ouais. Oh là là, oh là là là. Alors elle attend que ça, ma gueule là. Faut ouais, y aller là. Vas-y. Eh oui. Astique ton membre. Bon, du coup, Toff, tu vas voir avec tes amis là quel âge ils ont fait l'amour pour la première fois. Ils vous emmerdent, ils exècrent. Voilà. Bon, et puis bah venez nous dire, hein, vous, à quel âge vous êtes passé à l'acte pour la première fois, mais surtout. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Et Dieu sait qu'à mon avis on va tomber sur des. Ah bah pour faire plaisir au mec, parce que sinon il avait dit que j'allais le larguer, qu'il allait me larguer. D'ailleurs je tiens à préciser que si jamais vous tombez sur un mec comme ça, les filles, surtout virez-le en première, hein, puisque de toute façon c'est qu'un connard. Voilà, donc appelez-nous, dites-nous. Il y a Julien sur le Facebook qui dit depuis l'âge début des 15 ans et mon frère le pauvre a 27 ans. Oh, il a, bah, il a le attendu. Pauvre. Non mais ça dépend si c'est lui qui a attendu ou pas, je sais pas. Il y a le prince Nadia qui dit restez vierge, j'ai testé le SM. C'est spécial quand même, hein. Il faut faire les choses dans l'ordre. Mais ouais, bah, c'est ça. Chacun son ordre, j'ai envie de dire, au final. Ouais, mais c'est moi, il y a des meufs qui me racontaient, ouais, la sodomie, je suis d'accord, mais la pénétration, pas tant qu'on n'est pas marié, ça marche pas. Ah ben voilà, c'est ça, écoute, va mais voir. C'est bizarre quand même. Oui, t'as des gens qui ont des principes, c'est comme ça. Bon, alors, Dylan, tu nous avais appelé donc par rapport aux conneries à faire à l'internat, et il y a Sullivan de Bruxelles qui, lui, apparemment, avait pas mal d'idées. Ah, bah alors, Sullivan, on t'écoute. T'es à l'internat ou t'as déjà été, toi, à l'internat? Bah, je suis en internat, d'ailleurs je suis dans ma chambre de l'internat là maintenant. Ah bah parfait. Bon, fais un peu de bruit. Non, explique-nous d'abord l'histoire. Mais en fait, j'avais fait un coup à un éducateur, j'avais pris ses clés, et j'ai été dans le bureau, et j'avais mis du savon et tout par terre, et j'avais trafiqué la douche en mettant un truc dans le tuyau, et quand ils appuyaient, au plus ils appuyaient, ça ne sortait pas, et à ce moment, il y a tout qui est sorti, et ça a pété dans toute la chambre, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, là, c'est pas mal. Quel ouf. Eh, hey, Dylan, t'as bien noté? Ah oui, j'ai noté, oui. Très bien. Est-ce que t'as une autre idée? Il y a plusieurs choses à faire, quoi. C'est du genre sortir, commencer à gueuler, puis se planquer, l'éducateur, il commence à stresser, quoi. Ok, ouais. Et sinon, il y a un truc aussi, c'est tu te mets à la porte de l'éducateur, tu frappes à sa porte, genre, oh, il y a le feu, puis tout le monde se recouche. C'est pas mal aussi, ça, c'est pas mal. Bah, mais l'autre, il va sortir en panique, il va courir partout pour voir qui c'est qui gueulait. En fait, il s'est levé pour rien, ouais, c'est pas mal. Il y a Abdou qui dit, attends, merde, il y a Julien d'abord qui dit pour l'internat un bon truc hard, nettoyer les pissotières avec la brosse à dents des mecs qui sont cons. C'est dégueulasse. C'est drôle. Ah non, c'est horrible, c'est dégueulasse, mais c'est drôle. Non, mais moi j'ai toujours peur de ça. Ah bah j'imagine, il y a Rémi qui dit salut Mickaël, il y a aussi mettre du sel dans un lit. Et là le mec il se gratte toute la nuit, mais il faut en mettre beaucoup. Et ça marche aussi. On l'a fait, mais ça peut marcher nous. Ah bon, mais t'as peut-être pas mis assez, hein. Non, ouais, c'est ça. Le sel, il faut en mettre. Il y a eu assez de sel pourtant. Le sel, il faut mettre, ouais, quasiment une boîte pour que ça marche. Mais sinon, avec une baguette, ça marche super bien. Tu prends la baguette et en fait, tu la craques pour faire des miettes et t'en mets plein le lit. Le mec, il va passer la nuit la plus horrible de sa vie. Ouais, c'est possible aussi. Yaku aussi. On peut tremper l'oreiller aussi. C'est Benoît. Moi, ma première fois, c'était à 14 ans. C'est Elwen qui avait envoyé son message sur le Facebook. Il y a Christophe également qui dit quoi. Non, je voulais juste expliquer pour l'oreiller. Faut pas tout l'oreiller. Hein. Faut enlever la tête, faut tremper l'oreiller, puis faut remettre la tête. Parce que comme ça, le mec, quand il se couche, en fait, il se rend pas compte. Ah c'est oui, après, oui, oui, catastrophe. Et après que ça rentre, ça pénètre dans le corps. Christophe qui dit, ah, trop fort le truc avec le poing, je l'avais vu cet après-midi. Et oui, j'ai bien vu l'image juste à côté. Ah bah quand même, parce qu'il y en a qui disaient, ouais, fais un like si t'as rien vu. Il y en avait quand même plus de 160 qui avaient liké, je me dis, bah merde. Et Warren qui dit, du ketchup dans les chaussures, gel douche dans les oreilles, dentifrice dans les chaussettes. Ouais, c'est pas mal le ketchup. C'est Jojo aussi qui dit, moi ça a marché ton truc du poing jaune. Il pue de la gueule, Tof, c'est Manuel qui proposait ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense que ouais. Et alors Valo, la dernière fois que je suis lavé les dents, c'était fou. Ah, je me souviens plus. Bah c'est pour ça, il a tellement peur de la pisse sur le dentifrice sur la brosse à dents, et il en est terrifié. Moi j'utilise les brosses à dents deux fois maxi. Bah évidemment, mais t'as raison. Il y a DJ FL aussi qui dit on peut réviser les pieds du lit, dévisser pardon les pieds du lit de sorte à ce qu'ils se pètent la gueule en se couchant. Ah les enculés quand même. Sinon il y a le truc bien bâtard aussi, c'est la cire la nuit. C'est-à-dire que tu lui mets la cire sur les jambes, et donc forcément elle va sécher toute la nuit. Et là, je peux t'assurer que quand il va l'enlever, ça va faire un mal de chien. Bon, bah dites tous les autres si vous avez des idées là. Il y a Nicolas également d'Angoulême là. Salut Nico. Oui, salut Mickaël. Comment vas-tu? Très bien. Bienvenue à toi Nico. Bon, on va faire aussi dans une petite dizaine de minutes, même pas là, on va faire le mais j'ai oublié le jeu. C'est dingue ça quand même. Qu'est-ce que tu as oublié? Ouais. Le nom de ce putain, le jeu de la rupture. Le jeu de la rupture. Ah, à pardon, chaque fois je l'oublie, c'est quand même la folie ça. Bon, jeu de la rupture qui va suivre dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Et puis bah Nicolas qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait aussi quand il était à l'internat. Là, Nico, sois le bienvenu. Oui, on en a des bonnes. Ah bah alors parfait. Bah alors explique-nous, on est tout ouïe. Alors pisser dans les bouteilles de shampoing. Oh, basique. On avait les robinets des douches aussi dans la chambre, donc on attendait qu'ils se mettent bien du shampoing et on fermait l'eau. Donc, les lits, on sortait les planches, on remettait le matelas dessus, donc quand ils s'asseyaient ou quand ils se couchaient dessus, ils se cassaient la gueule entièrement, ils passaient à faire du quoi. Bien vu. On en a fait des bonnes, enlever le papier toilette dans les toilettes, enfin, je sais pas. Sinon, un truc qui est bien drôle aussi, c'est tu coupes l'eau chaude. Ah oui, quand les mecs sont sous la douche, ouais. Tu coupes l'eau chaude. Ah oui, du coup, il y a que le froid. Mais alors en hiver, hein, parce qu'en été, ils sont capables de kiffer, donc faut le faire en hiver, ouais, évidemment, ouais. Impérativement, ça c'est clair. Il y a Dédé sur le Twitter qui dit une bonne connerie pour l'internat, inverser les armoires des mecs de la même chambre. Bah, c'est un peu l'histoire de Toff, mais en plus facile. Ouais, c'est ça. Moi, nous, on avait inversé toute une chambre, quoi. Ouais, et alors Romain aussi sur le Facebook, se cacher sous le lit du pote et prendre sa couette quand il dort et se remettre sous le lit. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Du coup, il va avoir un petit coup de flip, effectivement. Nico, vas-y, continue, t'en as d'autres? Oui, on coupait le chaud aussi, on faisait pareil. Après, ce qu'on faisait, on se donnait une heure et on se rassemblait tous dans une chambre, quasiment tout l'internat d'un seul coup. Les pions nous voyaient passer comme des fusées, ils savaient pas ce qui se passait, à chaque fois c'était le grand bordel. Putain, c'était, on leur faisait péter les plombs, quoi. N'empêche, franchement, avec tout ça, là, il me faut quand même de la peine, les pions, parce que putain. Ça doit pas être facile, quoi, tous les jours. Hein. Oh là là là là là là. Ah, mais ouais, mais avec tout ce qu'ils prennent, quelle violence quand même. Ben bah, merci Nico et Sullivan. Il y aura Greg aussi dans quelques minutes là. Merci à vous deux, vous revenez quand vous voulez. Hein. Ciao, bonne soirée. Salut à vous, merci d'écouter Fun tous les soirs, Sullivan et Nicolas. Dylan reste avec nous, il y a Didier dans un instant qui va débarquer. Il y aura Greg et puis bah, je vous l'avais promis, le son de Cash Cash maintenant que je vous fais découvrir sur Fun Radio. Take me home, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. Hein, comme tous les soirs, on est en direct sur Fun Radio de 23h à 2h et tous les dimanches soirs également de 20h à minuit. Allez, promis, chose due, c'est Cash Cash qu'on écoute sur Fun. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, là, 23h31, bienvenue si vous venez d'arriver. Vous balancez toujours vos messages, hein. Je vous ai mis le post sur le Facebook, là, quel âge vous avez perdu votre virginité. Donc on en parle ce soir dans l'émission, balancez tous vos messages, on va les lire évidemment en live. Vous allez sur Mickaël officiel sur Facebook, venez nous rejoindre. Et pareil sur le Twitter de l'émission, tapez Mickaël officiel. Et bah, si vous me suivez, je vous suivrai également hein, sur le Twitter. Donc n'hésitez pas, tapez Mickaël _ officiel, c'est le petit tiret en bas. Je vous attends, en fait comme DJ qui dit trop bon de vous écouter dans le pieu sur le home cinéma. Je me crois au Cinoche, ça c'est juste un truc de dingue. Ah ouais, t'imagines. Et ce serait bien qu'on puisse arriver comme ça, c'est en mode cinéma et t'arrives. Bah, t'as le truc qui passe en 5.1 et tout le bordel, ce serait la folie totale ça. Imagine. Surtout la gueule de Toff. Ah ouais, ouais, en ouais. En 5 points, mec, ça serait. Ah bah en 5 points, t'imagines. Action. Voilà, hop, action, tu démarres, Toff fait un film et puis on y va quoi. Hop, c'est parti. Allez hop, Toff l'acteur. Ah bah bien sûr, un très grand acteur, là. Je. Oh, qu'il est mauvais. Attends, moi j'ai. Attends, je casse le projecteur. T'as pas une arme là. Attends, une arme. Vas-y, parle, Toff. Ouais. Tiens, enculé. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est mieux. Vu comme ça, c'est pas mal. Hein. 77 sur 9, 17ème. Allez, c'est parti. Oui, 77ème, on est quand même pas mal. Hein. Allez. On recommence ou pas? Non, on arrête. Non, on arrête. Ah bon. Bon, il vaut mieux arrêter là. Il vaut mieux arrêter là. Je pense que physiquement, je pense que Toff n'est pas fait pour le cinéma. Ah, mais moi, j'aimerais bien le tuer une dernière fois. Bon, alors, vas-y. Bon. Espèce d'enculé, qu'est-ce que tu fais dans mon saloon? Mais je ne voulais pas. Ferme ta gueule. Mais ne. C'est le seul mec qui arrive à parler après avoir été tué. Non, c'est pas vrai parce que t'as le temps de l'impact. T'as été tué. Voilà, là il est mort. Il est mort, c'est comme ça. T'es mort. Mais oui, bon, il y a Kevin qui dit mettre du film transparent en dessous des lunettes des chiottes. Ah, on en avait déjà parlé, Kevin. Et Ronan aussi qui dit mettre une. Attends, c'est quoi? Mettre dans la chambre des surveillantes et les enfermer dans leur chambre avec un double volet et juste après faire péter des pétards juste devant leur fenêtre pour les faire sortir vite. Qu'ils se prennent la porte, un truc de ouf. Dehors de 3h à 5h du matin en caleçon. Également en février. Et un message aussi qui est arrivé de Jay Lapointe qui dit j'oubliais, il y a la maillot dans les tubes de dentifrice ou dans le gel douche, de la boule puante également dans une chambre en pleine nuit. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va continuer d'abord. On va reparler évidemment avec Dylan dans quelques minutes, mais on va d'abord faire les appels avec Toff, donc puisqu'on va demander à quel âge vous avez perdu votre virginité. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc Dylan c'était à 17 ans, Didier c'était à 14, Greg c'était à 14 aussi, Greg, hein, c'est ça hein. Ouais. Très bien. Ouais. Attends, on a Faisal également qui est avec nous de Toulouse. Là. Salut Faisal. Salut Mickaël. Comment ça va? Mais pourquoi tu fais pas propre? C'est drôle ça, dis donc. Hein? C'est drôle. Il va cramer la gueule, carrément. Ouais. Je fonds. Un petit coup de l'ensemble dans sa gueule, ça lui fera pas de mal. Faisal, t'as perdu ta virginité à quel âge toi? T'as fait la première fois à quel âge? À 12 ans. À 12 ans, putain, t'es l'autre champion ce soir là. Attends, et Jérémy de Lyon? Ouais, allô. Salut Jérémy, t'as perdu ta virginité à quel âge toi? Mickaël. À quel âge? De 17 ans. À 17 ans, Noémie qui dit moi c'est à 15 ans, très bien. Bon, on va en parler du coup. Bon, on va appeler des gens, Toff, des nouveaux amis. Jérémy et Faisal, restez avec nous. Et puis on va voir, tu vas leur poser la question, de voir un petit peu à quel âge c'était la première fois. Allons-y. Bon, allez, c'est parti, on y va. D'ailleurs, continuez les autres à envoyer des numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, pour qu'on puisse appeler tous ces gens, des gens qui ne dorment pas encore évidemment à cette heure-ci, et puis qui sont plutôt d'un esprit. Vous faire foutre, ils faisaient tête de con. Comme celui-là quoi. Et je vous emmerde, je vous exècre. En gros, donc on y va, c'est parti, on appelle maintenant. Bienvenue tout le monde si vous venez de débarquer. On va se faire le jeu de la rupture juste après. Allez, et on appelle à Bruxelles apparemment. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel monsieur. Pardon. Ben, la première fois que vous avez fait l'amour, c'était à quel âge, monsieur? Et moi, je demande à ta mère quand la première fois elle a couché avec ton père. Non, mais je vois pas le rapport, monsieur. Pardon?

Pas mal. À deux secondes, il a raccroché. Ouais. Bon, allez, on n'est pas des enculons, on va en appeler un autre. Hein. Parce que lui, lui, il a juste décroché, il a raccroché derrière. Donc, allez, vas-y, fais ça. Allez, on y va, on appelle un autre. Hey. Allô? Eh mec, fais ça. Je crois que c'est ta voix qui passe pas, mec. Eh, je veux bien, mais deux appels, deux fois, il te raccroche direct à la gueule, c'est quand même violent là. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, allez, vas-y, encore une fois, après, tant pis. Hein. Vas-y. Allô? Allô? Oui? Oui, ça va? Oui? Oui, c'est moi. Donc, je t'appelle par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure, par rapport à ma rupture. Je pense que vous trompez de numéro, hein. Non, je t'appelais tout à l'heure par rapport à ma rupture, que t'en avais plus, et franchement, là, c'est catastrophique. Si je peux pas te parler par rapport à ma rupture, je vais faire une connerie. Je suis à deux doigts de faire une connerie, et il faut que tu m'aides. Vous parlez avec qui, excusez-moi? Je voulais parler, tout à l'heure, je vous appelais par rapport à mon problème avec ma copine, et c'est vrai que je suis perdu, et je suis à deux doigts de faire une connerie, et j'ai besoin d'aide, là. C'est pas le principe, ma copine m'a largué, c'est une raison. Mais je pense que vous avez trompé les numéros, je pense qu'il faut mieux que vous vous appelez à un service social, ou je sais pas, une aide psychologique. Et vous avez un numéro à me donner, parce que là, 53 secondes, il a raccroché, 53 secondes, mais attention, hein, c'est pas le principe, la fessale, t'as dit qu'il y a eu une rupture, machin, il faut que tu fasses une rupture avec la personne que tu appelles. Ah ok. Bon, alors, c'est pas grave. On va quand même garder. C'est pas grave, Fessal. 53 secondes, c'est déjà bien. Jérém, on y va, c'est parti, on appelle quelqu'un maintenant. Oh merde, attends, c'est nous qui avons fait de la merde, c'est pas grave. Hop, on en appelle un autre. On y va, Jérém, à ton tour. 53 secondes, score à battre. Allez. On y croit. Donc dès qu'il y a plus de musique, tu dis allô. Bon, c'est pas grave, on en appelle un autre. Hop, ça arrive, c'est parti, suivant. Allez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, ça va? C'est qui? Tu me reconnais pas? Non. Non? Tu me reconnais pas? Du tout. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Tu me reconnais pas? Bah écoute, voilà, bah, je voulais t'appeler parce que tu m'as donné ton numéro là ce week-end et puis je voulais savoir Eh, t'es parti déjà là, 32 secondes là. Oh là là. Oh là là là là là là. Bon, pour l'instant, Fessal, contre toute attente, c'est toi qui gagne. Mais ne bougeons pas de là, on va revenir juste après ça en direct avec vous avec le son de David Guetta. Et la suite, ce sera sur Fun Radio et juste après ça. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, exactement, je suis fait prendre un petit peu au dépourvu. Il est 23h49 sur Fun Radio et on est déjà en top tweet. Oh, bon, numéro 1 top tweet France grâce à vous, là, le mot-clé le plus cité ce soir sur Twitter, en l'occurrence, là, le hashtag est Mickaël. Je me suis posé une question tout à l'heure en arrivant ici, est-ce que je peux acheter des amis? Oui, du Ghana ou oui, tu peux en acheter. Tu oui. peux faire ça. Oui, j'ai trouvé ça aussi. Je trouvais ça rigolo. Donc on peut, si vous êtes en manque d'amis, vous pouvez trouver de nouveaux amis hein, contre de l'argent. N'hésitez d'accord, pas. Voilà, je voilà. vais faire ça. Alors. Bah, n'hésite pas. Non, il y a des trocs d'amis aussi. Ah, on peut faire du troc. T'as des c'est amis, vrai. Tu les prêtes à tes amis et comme voilà. ça, toi-même, t'as des amis. Bon, on sera la Star Wars Identities aussi hein, jeudi soir. Eh oui, 21h, 23h, on fera une spéciale Star Wars. Eh ben, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, c'est à Paris que ça se passe. On fait l'émission en direct de là-bas. Eh ben, n'hésitez pas. Vous appelez Sandro maintenant. On a encore des places. 01 42 48 5000. Vous venez nous rejoindre. Donc 21h 23h pour les fans de Star Wars. On aura plein de surprises et plein de cadeaux Star Wars également à vous offrir. Voilà, si vous voulez venir nous voir et participer à l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. On va revenir avec la colle de Fred dans quelques minutes. Et je vous l'avais promis, le son de David Guetta qui va débarquer. Shut Me Down. Voilà, David Guetta, Shut Me Down, je vous le passe dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Il y aura aussi le son, et que j'adore pour l'instant, le son de Daft Punk. Ça sera Instant Crush. Voilà, on va te chiller, Tov va chier, bref, ça va être la folie totale. Et puis il y a un message de Maxime également qui est arrivé là. J'ai perdu ma virginité à 16 ans, moi. Il y a DJFL qui dit: j'ai mon chat qui arrête pas de me regarder toutes les 30 secondes en se léchant les couilles. Je dois m'inquiéter ou pas? DJFL, je ne sais pas si tu dois t'inquiéter, mais méfie-toi quand même. On sait jamais, voilà, on... méfiance quoi. Et le prince Nella qui dit: non, ils ne suivent pas les règles du jeu. Ce qu'on veut, c'est une rupture, pas une éventuelle tentative de suicide. Je dois bien admettre que le prince Nadia a raison, fait ça les Jérémy. Hein. Allez, vous devez. Voilà, vous devez donc là tous les deux faire la règle du jeu. Donc vous devez impérativement, sinon ce sera élimination totale et directe et sans appel. Je me sépare alors. Voilà. Faire une rupture. Vous appelez cette personne, vous faites comme si c'était votre copain ou votre copine, peu importe. Il faudra vous mettre dans la tête d'un gay si jamais c'est un garçon et voilà, ce sera une meuf. Vous faites pareil. Rupture, ok? On y va? Michel? Ouais, Jérém. Okay. Dis-moi, donc du coup, la première manche, elle est valide là? La première manche, on va dire qu'elle est pas valide et on va tout mettre dessus sur celle-ci maintenant. Oh non. Ah bah si, fais ça. Bah oui, mais attends, mais fais ça. C'est comme si tu. C'est comme si on faisait de la Formule 1 et que tu prends marche arrière, toi. Si tu fais un petit coup en marche arrière, puis tu fais marche avant et t'arrives devant. Bah non, c'est pas possible. Bon, allez, on va se booster alors. Bah, il y a Max qui dit fais ça la 6 au bon lait de brebis. Et Sarah qui dit fais si sale que ça. Il y a Cookie également qui dit fais sale, qui commence la rupture. Vous avez mangé des clowns ce soir, les gars, là. C'est pas mal. J'attire les tweeters au moins. Eh bah, apparemment, ouais. Bah oui, la preuve, déjà top tweet. Bon, alors, on y va, Faisal, c'est parti, tu commences. Donc, on y retourne, c'est parti. Le jeu de la rupture. Celui qui tient le plus longtemps à gagner. Dès que t'entends plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Allez. Eh ben, personne décroche, c'est parfait. Hop. Bon, on appelle un autre Faisal, pas de problème. On y va, Faisal à Toulouse. Allez, hop. Puis on prendra Didier, promis. Hein. Bouge pas, Didier, on t'a pas oublié. Bah alors, Faisal, personne veut jouer avec toi. C'est ça qui est bon. Bah non, là, à l'occurrence, non. Hein. Attends, on en appelle encore un autre. Sinon, c'est mon tour. C'est fou ça, Faisal, personne veut jouer avec toi. C'est la première fois que ça arrive, c'est dingue. On a qu'à rester sur la première manche. Ah ouais, bah on aurait dû peut-être rester là-dessus, ouais, tout compte fait. Bon. Allez, encore un autre, putain, quatrième appel, dis donc, c'est la première fois, alors c'est un truc de ouf. Bon, allez, hop, on en appelle un autre. Ok, il est 23h53. Allô? Oui? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Qui est-il? Oui, c'est moi. Donc, je t'appelle par rapport à notre échange de messages, les messages qu'on s'est envoyés par rapport à nous deux. Je comprends non, pas. Vous êtes absolument trompé. Je n'envoyais aucun message. C'est le message que tu m'as envoyé tout à l'heure par rapport à nous deux, la rupture. Je comprends pas pourquoi si tu me laisses comme ça. Non. Je vous laisse exactement comme ça parce que je n'ai rien fait. Je n'envoyais aucun message. Mais j'ai ton numéro sur mon téléphone. Tu m'as quitté comme une merde. Alors que je t'ai bien fait, c'est toujours respecté. Et c'est fini. Et hop là, terminé. 40 secondes. Oh là là. Ah bah ouais, 40 secondes. 40 secondes, Faisal. Mais t'as mieux joué, parce que t'as suivi les règles, là, c'est mieux. Bon, voilà. Cela dit, Faisal, souviens-toi, Jérémy n'avait fait que 32 secondes, lui. Hein, donc, bon, allez, 42 secondes, c'est parti. Jérémy, c'est à toi, là. Allez, on y va, on appelle, j'espère qu'on aura plus de chance hein, sur le décrochage là. Allez. Tu vas récupérer Fred pour la colle également. Allez. On y croit. Allô? Oui? Oui, allô? Salut, ça va? Tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, ça est-ce que tu m'entends? Tire le raccrochage. Vas-y, fais la rupture. Vas-y, rompe. Tu m'entends? Et qui vous appelez? Pardon, est-ce que tu m'entends là? Et qui vous appelez? Ça capte pas très très bien. Tu m'entends? Et qui vous appelez? Bon, je t'appelle, tu me reconnais pas là. Qui vous appelez? Eh ben c'est bien, bah écoute, je pense que ça va me faciliter les choses si tu me reconnais pas. Hop là ! Raccrochage ! En même temps, Jérém, t'as pas suivi les règles, hein. Bon, après, c'est pas très grave. Elle l'a quitté, là. Elle a quitté, ouais, Jérém. Mais en même temps. Qui t'a quitté, en fait. Bah, ouais, c'est ça, ouais. En même temps, 39 secondes, de toute façon, t'avais perdu. Yes. Mais, Jérém, en même temps, t'as pas suivi la règle non plus, t'as pas fait une rupture, là. Elle a décroché ta. Tu m'entends, je t'entends pas. Ça capte mal. Elle a pas parlé, elle a pas parlé. Mais c'est pas grave, t'avais qu'à enchaîner, tu dis bah écoute, je te quitte, blablabla, blablabla, t'en fous hein. C'est pas grave. Bon, Jérém. Du coup, je me dis ce que je dis. Bon, de toute façon, on l'a fait elle a raccroché à 39e seconde, donc Jérém. Jérém. Ouais. Voilà, tu rentres chez toi, Jérém. Les mains vides, évidemment. Bon, bah tant pis, hein. Fais ça, c'est gagné, tu repars. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jérém? J'avais quelque chose à te proposer. Dis-moi. Alors voilà, il y a des défis en ce moment là, je sais pas si t'arrives, je suis un peu sur Facebook. Non, alors voilà, moi j'ai été nominé ce soir pour réaliser un défi, j'ai 24 heures pour le faire. Ouais. Et en fait, il faut derrière, après que moi je nomine 3 personnes, d'accord? Ouais. Et donc en fait, je voulais nominer 2 amis à moi, et puis du coup te nominer toi aussi. Ouais. Voilà. Et dans cette nomination, tu as 24 heures pour boire un verre face à tout le monde. Sur Facebook. J'ai rien compris. Qu'est-ce que boire un verre sur Facebook? Qu'est-ce que tu racontes? Toi t'en as trop bu toi déjà à mon avis. Hein. Je crois, ça y est, il est pompon. Écoute-moi. Ouais. Tu es en train de boire un verre, tu sais, de l'alcool que tu veux. Ouais. Et tu nomines 3 amis qui auront 24 heures pour réaliser ce défi. Mais ça sert à quoi? Ah, mais ça sert à rien, c'est juste à mettre des trucs sur Facebook en fait. Il croyait que c'était une radio Music Award. C'est un défi, on n'a pas dit. Quelque chose, t'acceptes ou pas? Ouais, si tu veux, ouais. Bah on peut le faire, on a du punch dans le frigo là. Bah je vais chercher le punch. Bah voilà, et quoi, il faut Facebook. Ouais. Et puis moi je te nomine sur ma page Facebook. Et t'auras 24 heures pour réaliser le défi. D'accord, donc pas de cadeau. Bah non, de toute façon il a perdu donc. Ah oui d'accord, pardon, je crois que. Si tu veux m'envoyer un petit pack phone ou un cadeau. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Ah bah non. Bon, Jérém, allez, tu restes au standard, tu vas réexpliquer tout le bordel là pour qu'on puisse faire la photo là, comme ça tu l'auras eu. Et puis tu reviens quand tu veux, Jérém. Salut à toi, à bientôt. Ciao. Ouais, lui, t'es complètement bourras, ce Fessal, hein, on l'a bien remarqué, effectivement. Bon, bravo à toi en tout cas, tu retournes chez Sandro au standard, je t'embrasse, Fessal, passe une bonne soirée à Toulouse. Salut, à bientôt à Toulouse. Bon, retour avec Fred et sa colle là. Fred, t'es toujours là, ma gueule? Oui, toujours. Très bien, fais péter la colle de nouveau. Je rappelle qu'il y a toujours les packs à gagner, les packs que je vous offre toute la semaine. Sur Fun Radio, ça tombe toutes les 30 minutes. Là, c'est les boîtes à désir My Crazy Collection, offert par Mesdessous.fr. Ouais, des sous-vêtements pour votre copine ou pour vous les filles, qui valent quand même 100 euros. Bon, alors vas-y Fred, fais péter la colle à nouveau. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on apprend à monter à cheval? Voilà, qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on apprend à monter à cheval? On proposait de monter à cheval, justement. Non. De poser la bombe. Non plus. Se mettre au garde à vous. Non plus. D'accord. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous ai mis la colle. Voilà, comme ça, peut-être qu'en la lisant, ce sera peut-être plus simple. On donne la réponse dans moins de 30 minutes. Fred, eh ben, on te récupère tout à l'heure, ok? Ok, ça marche. À tout à l'heure, Fred. Tout à l'heure. À ciao. Bye. Bon, Didier, je t'avais promis qu'on allait te récupérer là, de Vierzon. Didier. Exact. Très bien. Bon, alors toi, tu nous appelais pourquoi, dis-moi? Eh ben, je t'appelais pour la position du missionnaire. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé au début. On en avait parlé au début de l'émission, donc est-ce que vous aussi, vous pensez comme certaines personnes, justement, qui se disent que qui reste bloqué sur le enfin qui reste pas bloqué mais qui sont en couple, voilà, je vais arriver à m'expliquer plus dans le correctement, voilà, donc qui sont en couple et qui font le strict, si tu veux. Merci mais trop tard, j'en prie, et donc qui font le strict minimum avec leur femme ou leur copine parce qu'ils se disent que s'ils ont quelqu'un qui est pas suraffamé de sexe, il va peut-être forcément rester plus longtemps à la maison. Ah, et donc du coup ils vont se taper entre guillemets des salopes derrière. Comme ça ils sont pépères quoi. Tu vois, ils peuvent aller baiser à gauche à droite et en même temps leur femme reste à la maison. Et donc propre bien entendu, ouais. Et donc toi du coup, c'était quoi ton avis, Didier, là-dessus? Et moi mon avis là-dessus, toi, c'était l'inverse. C'était les femmes. C'était le problème, si tu veux, c'est que moi je connais des femmes qui sont dans la vie très très prudes, ouais, et qui en fait, parce que je suis chauffeur poids lourd international, et j'ai des tas de copines. Et, j'ai des tas de copines, j'aime bien. Bah oui, j'ai été marié pendant un certain temps, et puis j'ai divorcé. Une histoire. J'ai raconté ma vie, voilà. Ouais. Et maintenant j'ai que des copines, et qui sont très très prudes avec leur mari, et qui en fait sortent du cocon familial, se lâchent, mais alors grave. En fait, elles font la même chose que les mecs. C'est-à-dire que les deux, à la maison, ils non, font... Mais même pire, non, même pire, t'inquiète, même pire. Moi, je suis quelqu'un... Tu sais, moi, c'est... la sodomie, non, j'aime pas ça. Non. Sucer, ouais. Ouh là là, une fois de temps en temps, mais pas trop. Et puis, en fait, le soir, elles te retrouvent sur le parking, elles se font déglinguer par tous les trous. Peut-être. Exactement, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, quand je le disais, personne ne voulait me croire. Mais c'est même choquant, c'est même choquant. Bah oui, bien sûr, ça peut l'être, évidemment. Mais toi, tu prends ton kiff là-dedans, tu prends ton pied. Ouais, mais moi la première fois où j'ai commencé à pêcher une gonzesse comme ça, je vais te dire la première fois, bon bah normal quoi, tu vois, tu vas tranquille. Mmh. Et la meuf elle te regarde, elle te dit mais non mais attends, tu vas pas le faire comme mon mari, tu me prends par tous les trous, tu me défonces, Et là tu te poses la question quoi. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Donc effectivement les femmes qui se font pas baiser entre guillemets par leur mari correctement, bah, après elles vont voir ailleurs, mais ça tombe sous le sens en même temps évidemment. Ouais. Mais oui, c'est normal. Mais oui, il y a Jérémy Titi qui dit Mickaël, quand je vous écoute les amis, c'est bien mieux qu'un orgasme sexuel, sérieux mes amours, mais foufou de la radio. Alors Jérémy Titi, arrête un peu avec ton foufou de la radio là. Il y a Cookie qui dit je vais exploser, vous me faites trop rire et adieu. Mathieu pardon qui dit salut l'équipe, je suis au taf avec une jolie fille au bar, pouvez passer Shuga Shuga de Baby Bash pour elle. Oh putain, toi tu me demandes un truc mec, le truc il a 1000 ans, je sais même pas si on l'a hein, sincèrement. Shuga Shuga de Baby Bash. Attends. Oh là là là là là là là. Tu te souviens de ça ou pas toi Didier là, Baby Bash avec Shuga Shuga. Bah, ça remonte hein, mais enfin bon, moi je connais parce que j'ai 48 ans quand même. Ah bah ouais. Oh mec, putain, t'as une chatte. Alors Mathieu, si t'arrives pas à pécho, envoie-la nous. Avec, si t'arrives pas à pécho, je pense que ça peut très très mal se passer, Mathieu. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Avant de mettre le son de Baby Bash, parce que je l'ai retrouvé miraculeusement. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Avant ça, Mathieu, je veux t'avoir au téléphone. Je veux t'avoir au téléphone et je veux avoir la meuf au téléphone pour avoir un peu d'infos là. Ah, c'est peut-être une enfume. Il était bien, en fait, le morceau en plus. Ah, ouais. Ah, on peut chiller là, et t'offre chier encore comme d'habitude. Voilà, Mathieu, appelle-nous maintenant au standard 01 42 48 5000. Promis, je te le passe. Si on arrive à t'avoir au téléphone et que tu donnes un peu des infos sur la fille, tout ça, et si en plus on peut avoir la fille au téléphone, je te le passe. Surtout si ça peut t'aider à pécho, Mathieu. Max également qui dit un petit message de bienvenue bien bruyant pour ma grand-mère qui est en train de ronfler dans le canapé, s'il te plaît, Mickaël. Ouais. Alors attends, pour la grand-mère qui roupille là. Qu'est-ce qu'on peut mettre Oh, pour la grand-mère, bon, oh oui, bah ça tient. Merde, bah qu'est-ce qui lui arrive à mémé? De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Ah ben voilà, je pense que tout est dit là. Bon bah Didier, merci à toi d'être passé en tout cas, tu reviens quand tu veux, hein. Mais bah y'a pas de problème. Ça roule, merci Didier. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, continuez à envoyer vos messages bien entendu. Et puis on va revenir avec Dylan, avec Brahim, avec Thomas, avec Eddie également, et avec Tiziano pour parler des conneries à faire à l'internat. Le temps de s'écouter le nouveau son de David Guetta maintenant, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. C'était le son de David Guetta sur Fun Radio et Shut Me Down. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon, il y a le Mathieu, il a pas donné de nouvelles. Le Mathieu qui était dans un bar, là, qui voulait qu'on passe Baby Bash avec Shuga Shuga pour pécho la barmaid ou une meuf qui était au bar, je sais plus. Bah, dommage, Mathieu, là. Je te dis que je te le passais si jamais t'es arrivé à nous appeler. Voilà, c'est pas compliqué en plus. Je viens de le retweeter, on va voir s'il nous répond. Eh ben, très bien. Bah, voilà, on attend ton appel. Je veux t'avoir au téléphone pour que tu nous expliques un petit peu plus en détail ce qui se passe dans le bar, à quoi ressemble la fille, si on peut même avoir la fille au téléphone. Et promis, je te passerai le son de Baby Bash avec Shuga Shuga. Alors, il y a Malone qui dit je me mets du vernis en vous écoutant, tellement je rigole, j'en mets partout. Bah bravo Malone, elle fait une photo, voilà nous. Il y a Charlouze aussi, Mickaël, une petite dédicace pour moi qui vous écoute en direct de. Oh l'enculé de sa race. D'où ça? Et je vous emmerde, je vous exècre. De Los Angeles avec mes photos. Avec 9h de moins, là en plus, on est pas mal là quand même, hein. Il est 15h. Allez, va te faire enculer, bah. À 15h, c'est pas mal, ouais, Charlouze. Pour les bonnes choses. C'est vrai. Aurore qui dit coucou les amis, quand on vous verra à la station de ski, quand est-ce qu'on vous verra à la station de ski, la Pierre Saint-Martin, une émission sympa, ce serait pas mal. Moi, j'ai perdu ma virginité à 15 ans et à 27 ans, toujours ensemble. Pas mal, Aurore. Ah oui. Bah écoute, je sais pas, mais ce serait pas mal de passer faire un petit coup de ski là. Il y a Margot aussi. Bonsoir, l'équipe. Moi, j'ai perdu ma virginité à 18 ans et demi. Joseph qui dit par rapport au point jaune, j'ai vu la tête de Toff, quelle horreur. Je vous en parle parce que j'avais mis une photo sur le Facebook tout à l'heure. En fait, une photo coupée en deux. D'un côté, il y a une photo, la gueule d'un visage d'homme en noir et blanc avec un point jaune au milieu. Et d'autre côté, juste du blanc, en fait, une image blanche. Et il faut fixer le point jaune pendant 10 secondes. Et après, hop, directement regarder le côté blanc. Et en fait, on voit le visage du gars, mais en couleur, ce qui est assez impressionnant. Il y a Gauthier qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit également, que vous pouvez télécharger gratos sur l'Apple Store. Pour les conneries à l'internat, une particulièrement sympa. Tout le monde serre son matelas. Quelqu'un appelle le pion et tu fais des dominos géants. Il flippe le mec en général. Putain. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce coup-là, effectivement. Bon, retour avec Dylan dans quelques minutes. Et on va d'abord parler de télévision. Dylan, tu regardes souvent la télé malgré que tu sois à l'internat ou pas? Ouais, bah jamais à l'internat, mais quand je suis chez moi, ouais, non, je geek plus que je regarde la télé. D'accord. Et tu c'est quoi ton émission préférée, si t'en as une? On va dire les Simpsons. Les Simpsons, pourquoi pas. Bah là, on va pas parler de Simpsons, malheureusement. C'est dans le mail, il y a Giuseppe qui ne comprend pas le mot qui le définit le mieux, en fait. Vrai Giuseppe, c'était pas le Giuseppe qui veut épouser mon fils. C'est pas un garçon misogyne, c'est pas un garçon... Du tout, je déteste me regarder, vous voyez, que ça soit à la télé ou en photo. Non, misogyne, ça veut dire ça. Misogyne, c'est qu'il aime pas les femmes. Ah du tout, non. Du tout, je les adore les femmes. Ouais. Du tout, d'accord. J'adore les femmes, ça c'est clair. Voilà, donc misogyne, c'est je ne me regarde pas dans le miroir. Et ça c'est très bien. Il y a Ardisson et Benjamin Castaldi également qui font une blague horrible sur Loana. Benjamin, vous avez lancé la télé-réalité en France avec Love Story. Vous avez des nouvelles de Loana? Non, j'en ai pas. 5 tentatives de suicide en 6 ans. Quand ça veut pas, ça veut quand, pas. Quand hein. Ça veut pas, ça veut pas. Les enculés. Et puis dans Click, on a le rappeur Swagman là qui se tatoue lui complètement n'importe quoi. Vuitton tatoué sur le crâne. Ouais, j'ai des Vuitton, j'ai plusieurs marques, Bentley, Lamborghini. Mm-hmm. Et donc voilà quoi. Lamborghini, Bentley, où ça? Sur le bout de ma trompe, bro. Le mec se tatoue des marques de luxe. Mais sur la bite. Et sur la bite en plus, c'est ça qui est le plus improbable. Il est bête. Bon, finalement tu restes dans les Simpsons, Dylan, hein. Je crois que c'est mieux, hein. Ouais, je crois. Ouais, je pense, ouais. Émission bon. Culturelle, les Simpsons. Ah bah, complètement, ouais. Bon, Dylan, donc, qui nous avait appelé parce qu'il cherche des conneries à faire à l'internat. Il y a Brahim également qui appelle du Havre. Salut, Brahim. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, Brahim. Bon, alors, toi, tu voulais réagir par rapport à Dylan. Donc, c'est quoi tes bons plans, là, pour faire des conneries à l'internat? Oh, moi, c'est déjà, le premier, c'était avec mes potes et la prof, elle était en retard et tout. Et nous, on en avait marre d'attendre. Alors, du coup, il y a un mec, il a sorti de la glu, la super glu, et il l'a mis sur la chaise de la prof. Et la prof, elle avait sorti des jupes et tout. Et du coup, elle s'est assise dessus. Et il y en a un qui a traité un mec et tout, il commençait à se taper. Et du coup, elle s'est levée d'un coup. Et après, on a vu sa culotte et tout, elle était rose. Ah, tu peux même pas imaginer. Ah si, j'imagine très très bien, t'inquiète pas, ça c'est de ce côté-là, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'imagine le prof qui doit revenir en cours après. Mais c'est ça, le prof qui revient en cours après, elle est complètement dans une merde parce que la prof ne vient pas avec des vêtements de rechange au cas où. Non, c'est ça. Non, même pas. Tu sais elle a fait quoi? Tu sais elle a réagi comment? Non. Elle a dit sortez. Sortez. Ah oui, parce qu'elle voulait rester là pour justement se décoller les fesses de la chaise. Mais c'est non, pas mal, mais pas ça compris. À la limite Brahim, c'est pas forcément sur le à l'internat, tu peux faire ça n'importe quand, même en cours. Ouais, même à tes potes au bureau. À mon éducateur, ouais. Et aussi à mon éducateur, on était parti en sortie dans la forêt et tout, et du coup on avait fait semblant qu'on avait passé exprès, mais on en a fait exprès de le pousser. Et du coup il est tombé dans la boue et à l'internat il y a des douches. Alors lui du coup il est parti dans sa douche, mais avant qu'il parte, on avait été au paintball, alors du coup on avait de la peinture, on a mis des big paintball, on s'est éclaté dans les tuyaux. Oh. Bah voilà Dylan, ça te donne des idées là, non? Ah bah là je suis servi là. Ah bah attends, il y a même Thomas de Paris là qui est avec nous là, 19 ans, salut Thomas. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bienvenue, bah très bien ouais. Alors Thomas, vas-y toi, c'est quoi ton plan là pour les conneries de l'internat? Bon alors écoute-moi bien. Ah bah écoute-moi bien, ok? Je suis tu me parles tout pas oui. Comme ça mec. Je suis tout oui. Tu prends des feux d'artifice, ceux qui balancent des boules. Ouais, j'ai très peur. J'ai très peur, ouais. Donc tu les ramènes Et ton surveillant d'internat, il est tellement gentil qu'il t'ouvre une passerelle pour aller fumer le soir. Déjà, on commence par là. Ouais, déjà, il faut tomber sur un mec qui est gentil, hein, ce qui n'est pas gagné dans l'absolu. Tu sors de l'internat. Tu sors de l'internat. Tu vas sur le plateau qui est le plus haut. Le plateau là où il y a les terrains de foot et tout. Ouais. Et là, t'as quatre connards. Pardon, excuse-moi pour le vocabulaire. On va donner ça sur la tête de Toff. Ouais. Bien sûr. Voilà. J'ai l'habitude. Qui font une bataille de feux d'artifice avec les boules. J'ai pas compris. Ils se tirent, bah, en fait, les... ils se tirent dessus avec le feu d'artifice. Voilà. En fait, c'est les. C'est exactement ça, fait... ça. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas dangereux ces trucs-là? Si, si. Ça peut brûler. Non, non. Ah si, si. Bah si, non, ça non, peut cramer quand même. Faut faire gaffe avec ces conneries-là, non? Non, ouais, il y en a un qui a perdu un œil une fois. Ouais, enfin, c'est ça. Rien. L'autre, il a perdu son bras. Bon, rien de cadet. L'autre, il a été brûlé au deuxième degré. Non, mais rien de grave, quoi. Mais non. Ah, allô, Mickaël. Ouais, Brahim. Moi, c'est encore mieux. Vas-y. Tu vois, souvent, dans l'internet, tu vois, c'est tellement grand qu'ils font des conteneurs. C'est quoi des conteneurs avec la nourriture et tout là-dedans? Ouais. Et bah, tu vois, nous, tu vois, généralement, on était service de conteneurs et tout. Et du coup, on avait mis des. Comment ça s'appelle? Des pétards. Et. Juste avant qu'il ouvre, on a explosé dedans et du coup quand il a ouvert, avec la pression, tout est lui tombé sur la tête et tout, c'était. Mais vous êtes vraiment des enfoirés quand même. Des malades. Oh là là, attends, il y a Eddie aussi de Perpignan là. Salut Eddie de Perpignan. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, tranquille, bah là je suis au boulot donc ça va. Ah merde, tu fais quoi Eddie là? Bah je suis agent de sécurité là. Oh bah ça va, tranquille. Là il y a pas grand chose à faire si. Non, non, là pour le moment c'est un secteur tranquille donc ça va. Bon bah tant mieux. Alors Eddy, qu'est-ce que t'as comme truc à faire et comme conseil à donner à Dylan? Bon bah après moi je sais pas, moi j'ai trouvé ça marrant. Moi j'ai travaillé dans un centre militaire il y a 2 ans. Ouais. Et ce qu'on a fait à un gars, on est parti dans sa chambre, son collègue de chambre il nous a ouvert sa porte. On lui a mis de la colle bleue sur la main, on lui a collé sur la joue. Après on l'a balancé sur, enfin on l'a soulevé du lit quoi du coup. Et bon du coup il a gueulé. Et on a dû sortir à 3h du matin bah, faire du sport sous moins 16 degrés. Donc c'était une petite connerie. Après ce qu'on lui a fait, on a détruit carrément sa chambre. On a pris son lit, on a jeté ses patelas à la fenêtre, par dehors, quoi, carrément. Carrément, oh là là. Voilà. Je parie qu'il pleuvait bien sûr. C'est ça. Oh bah, les enculés. C'était à Amiens en plus. Donc vu que c'était dans le mois de décembre, il pleuvait ce jour-là. Ah putain. Et du coup, bah, il a pas pu récupérer son marqueur parce que vu qu'il était trempé de chez trempé, bah, il a dû dormir par terre, quoi. Vous êtes vraiment des enfoirés. Tu m'étonnes que j'ai jamais été à l'internat, moi. Je serais devenu ouf. Ah, ou alors j'aurais fait trop de conneries. Moi, c'était pas l'internat, c'était dans un centre militaire. Ah ouais, ouais, mais enfin bon, c'est le même principe dans l'idée, quoi. Il y a Romain aussi qui dit là, mettre du sel dans le gel du pote. Il y a Stéphanini, qui dit, moi je m'amusais à enlever les sommiers des lits. Du coup, les filles s'enfonçaient quand elles allaient se coucher. Et Nathan qui dit, toi Mickaël, à quel âge t'as perdu ta virginité? Moi, c'est la fin des 16 ans, début 17. Je me souviens plus, en fait. C'était pile au début, je sais plus. Bah, en tout cas, merci Eddy d'être passé. Tu reviens quand tu veux, hein. Y'a pas de soucis, merci. Salut Eddy. Dylan, merci à toi, tu reviens quand tu veux. Ah ouais, pas de soucis. Salut. Une petite dédicace. Eh ben vas-y, profites-en, une seule personne, hein, choisis la bonne. Je fais une dédicace. J'ai insulté tout à l'heure à Corentin. Désolé pour tous les autres. Bon, y a pas de problème. Bon, bah, salut Dylan, à bientôt. Un petit Paxton. Ouais, ouais, tu vas gérer ça avec Sandro. Standard, je te la repasse. Reste là. Ok, pas de soucis, merci. A tout de suite, Dylan. Y'a Tiziano qu'on va récupérer dans quelques minutes, là, qui voulait parler des premières fois. Et on a des packs, comme je le disais, des packs Obad à vous offrir. C'est My Crazy Collection offert par. Mesdessous.fr. Voilà, j'ai dit qu'on enfilerait toutes les 30 minutes. On est déjà un peu à la bourre, mais rassurez-vous, il y en aura bien toutes les 30 minutes, puisqu'on en a plein à vous offrir. Allô, comment tu t'appelles? Cyriane. Qui va couper sa radio, Cyriane, hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, parce qu'en plus t'écoutais sur internet là. Oui, voilà. Ah ouais, forcément, avec le retard, évidemment, c'est pas facile. Bon, ouais. Cyriane, tu voulais un pack My Crazy Collection? Ouais. Offert par Mesdessous.fr. Eh ben on va t'offrir ça, Cyriane, sans problème. Ok, nickel. Avec plaisir, je te fais des bisous, Cyriane. T'es dans quelle ville, dis-moi toi? Ouais, mais moi je suis à Bordeaux. T'es à Bordeaux, d'accord, ok, très bien. Eh ben le pack va partir à Bordeaux sans problème. Salut, salut. Ok, super, merci, salut. Ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, minuit 16, c'est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Teddy qui dit mettre du poil à gratter dans les vêtements. Bon, oui, c'est pas mal. Du sperme gel coiffant, c'est Pili qui avait envoyé ça. C'est pas mal, vous êtes pas du tout barré, les mecs, ça qui est cool. Allez, venez taper la discute avec nous, prenez le contrôle. On est là jusqu'à 2h avec le son des Daft Punk, c'est Instant Crush. Le son d'Instant Crush, c'était Daft Punk sur Fun. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on compte bien rester là, minuit 21 sur Fun, toujours au cœur de la nuit sans pub. Continuez avec tous vos messages hein, que vous balancez en live sur Fun Radio et sur le Twitter avec le hashtag Mickaël, donc le petit carré, le dièse, vous appelez ça comme vous voulez. Vous mettez tous vos messages avec le hashtag Mickaël, bien entendu. Et je vous rappelle également que vous repartirez aussi avec ce petit cadeau d'une valeur de 100€ quand même. Hein. C'est les dessous au bac qu'on vous offre. My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr. Si vous êtes évidemment bien classé, si vous êtes deuxième ce soir dans le Top Tweetos, Top Tweetos, en fait, il suffit simplement de placer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis si vous êtes si vous êtes numéro 2, tout simplement, c'est gagné. Donc en gros, faut pas en faire trop pour pas être numéro 1. Et puis faut pas en faire trop peu pour être numéro 3, voire derrière. Il faut être numéro 2 ce soir. Donc je vous souhaite bonne chance. Si on arrêtait tout maintenant, on se placerait comment là? Le numéro 5, ce serait lequel? Numéro 5. Une seconde. Et bah oui, mais enfin bon. Bon bah numéro 5, à plus vite! Calme-toi. Oh mais non mais je suis très calme. Merde. Alors, numéro 5, ce serait Mademoiselle Océane. Voilà, numéro 4. Paul PC28. Numéro 3. Cédric. Le gagnant numéro 2 serait Magda. Et le numéro 1. Let's be free. Évidemment, voilà. Bon, donc voilà, vous avez compris le principe. Placez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis si vous arrivez à être numéro 2 dans le top Twitter, c'est-à-dire les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission, eh bien vous repartirez avec le pack My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr. Voilà, je vous souhaite bonne chance. On en parle avant 2h du matin. Bien entendu, on donne les résultats plus tôt. L'OQ38 également qu'il y a. Que je vous aime le soir en mode posé sur ma chaise de bureau en train de vous écouter. Je vous aime. C'est gentil, l'OQ. Ma première fois a eu lieu à 18 ans et demi. La nana m'a taillé une pipe. C'est Xavier. Ah, mais c'est pas la première fois ça. Attention. Ah, il faut savoir quand est-ce que t'as. La pénétration a eu lieu. Voilà, une pipe, c'est pas la première fois. Mickaël, vous avez remarqué que Toff, l'envers, ça fait faute. Ouf, coïncidence. On n'avait pas remarqué, faute. Non, effectivement, faute, ouais, c'est pas mal. Il y a Valou qui dit, j'ai couché la première fois à 16 ans juste pour me vanter de ne pas être rentré vierge de vacances. N'importe quoi, Valou. Sonic qui dépuce la 14 ans pour faire comme tout le monde, vu que je traînais qu'avec des plus vieux que moi. Et Abdou aussi qui dit, Toff en jupe, manque plus que la croix et la fer est dans la poche ou dans son cul. Ouais, aussi, ouais. On a fait une photo tout à l'heure hein, avec Toff qui était d'ailleurs comme maintenant encore, hein, habillé en mode gonzesse, hein, poil noir, il est à vomir. Il est à vomir, la photo est sur le Facebook, facebook.com/mickaëlofficiel. C'est dégueulasse. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Ah non, mais c'est immonde. Hein. C'est juste totalement immonde. Bon, il y a Tiziano avec nous pour réagir par rapport aux premières fois. Tiziano, est-ce que tu es là? Je suis là. Eh ben, tant mieux. Et bienvenue à toi, Tiziano. T'appelles de Waterloo, toi, c'est dans le Nord. Le Nord pourri, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bon, c'est tout près de Tourcoing, ça, non? Tourcoing, Roubaix. Ah, que des noms qui donnent envie. Mais c'est le plus beau côté du Nord, c'est là que c'est magnifique. Ah bah ouais, Waterloo, tu vois, c'est un peu comme Waterloo, mais avec les deux lettres inversées. Non, on est bien là. On est pas mal. C'est très très beau comme quoi. Bah oui, non, mais c'est vrai. Waterloo. Bon, alors Tiziano, tu voulais réagir par rapport aux premières fois, puisque c'est le thème des appels de Toff ce soir. On appelle des gens pour voir quand est-ce qu'ils ont été dépucelés, hein, justement. Alors toi, c'est à quel âge? Il y a moins d'un an, à 17 ans. Ah, il y a moins d'un an. Et comment ça s'est passé? C'est toi qui as voulu, dis-moi. Vous avez pas vu mon message. Ah bah non, mais vas-y, explique-le alors. Bah c'est que peut-être que Sandro l'a vu ou Toff, je sais pas, mais moi pas. Donc dis-moi. Je l'ai fait avec le cougar. Non. C'est bon ça. Mais cougar de quel âge? 32, 33. Ah quand même. Quasiment le double, hein. Ah ouais, même. Et c'était qui par rapport à toi? C'était la pote de la sœur à mon meilleur pote. Attends. C'était la pote de la sœur à ton meilleur pote. D'accord, ok. C'est pas tout, ça c'est... Attends, parle un petit peu plus fort, Tiziano, parce qu'on t'entend mal. Ah, désolé, c'est parce que je suis en train de rouler en même temps. D'accord, mais ça t'entend pas du tout. Bon, alors vas-y. Il parlait d'un bédo, je pense. Oui, j'ai compris, ouais. Bon, là c'est mieux. Ouais, ça va mieux, ouais. Bon, très bien. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? C'est elle qui est venue vers toi? C'est toi qui étais vers elle? Dis-nous. Bah, c'était une après-midi, ça parlait de cul. Enfin, moi, c'était la première fois que je la voyais. Enfin, du lendemain, bref, elle m'a chauffé et tout, de là. Elle était amant, enfin moi j'étais amant, on était amant, elle avait un mari et elle avait 6 gosses. Putain, mais attends, et comment t'as réussi à rentrer dedans, Tiziano, t'es sérieux là? Ah bah je pense qu'il y avait moyen de ça rentrer tout seul. Hein. Ah bah ouais, là, on pouvait être 10 là. Hein. Attends, mais 6, elle avait 36 ans, t'es sérieux là, 6 gosses? 32. Faut pas la vieillir. 32, c'est encore pire. 32 ans, elle avait 6 moutards. Et elle avait tapé avant dans son passé, tu vois qu'elle a pas 32 ans, tu elle en avait 30 plus. D'accord, ok. Non, parce que là, parce que pour le coup, c'était chelou, hein, Tiziano. Bon, et depuis, plus rien. Ben, je t'avoue, j'en ai un peu trop vu, quoi. D'accord, Tiziano, mais pourquoi pas hein. C'est quand même bizarre, les six gosses, hein. Pourquoi c'est bizarre? Bah, 32 ans. Ah, mais il y a des psychos, hein. Ouais, non, bah, je sais bien, je sais bien. Attends, il y a Merwan aussi qui est avec nous, là. Salut, Merwan. Ouais, bonjour. Ouais, salut, Merwan. Ça va bien, et toi? Alors, toi, t'as le kit Mali, Merwan? Ouais. Ah, tu peux l'enlever parce que le son est dégueulasse, on entend super mal. Ou alors t'appelles une cabine ouais. téléphonique. Mais c'est possible. C'est le dernier mec. Cabine téléphonique. J'en ai encore vu une, là, faut passer, il fallait mettre une carte dedans, mais t'achètes ça où? T'achètes dans ça où dans les bureaux de tabac, non, mais il y a encore exactement. Des gens qui achètent ça, mais des cartes. Tu peux mettre ta carte bancaire. Ouais, carte bancaire, ouais, mais là, il y avait pas de logo Visa, Amex ou n'importe quoi, non, c'était... Et une fois, en province, au fin fond de la province, je vais pour pisser, je rentre et je tombe sur une machine. Et un téléphone à pièces quoi. Il y avait un franc, deux francs. Le truc qui marchait plus. Ouais. Mémorable. Bon Merwan, la première fois c'était comment toi? Ben ça a été un peu chaud quoi. Au début je savais pas c'était quoi carrément. Ouais. Je me suis retrouvé face à la fille. C'était une des potes de mon grand frère d'ailleurs. Et ce qui s'est passé en fait c'est que je dormais avec elle, certainement après j'ai dormi avec elle au lit. Et puis après ce qui se passe c'est que je vois qu'elle fait des avis, elle s'approche de moi de plus en plus. Je me suis un peu posé des questions. Ouais. Et puis après, je me dis, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Première fois, je mets ma jambe, je me suis dit, elle me recule. Donc je me suis dit, n'y va pas. Ouais, deuxième mauvais plan si elle recule, ouais. Alors, deuxième fois, je vois que c'est elle qui s'approche. Et ça va que ça a été, quoi. Bon, au début, j'avais peur. Tu m'étonnes. J'ai vu que tout était poilu, ça. Ah, oh, quelle horreur. Note, apparemment, plus de 40% des hommes préfèrent des meufs avec pas épilées, quoi. Et puis au début, tu fais pas le difficile. Hein, Non, je suis désolé. Moi, franchement, je préfère faire le difficile. Moi, hein. Non, t'es ouf. Ah bah, enfin, même maintenant, hein, poil, pas poil, tant que j'ai bien ma bite, moi, je fous. Hein. Non, quelle horreur. Dégueulasse. Non, ça je pourrais pas. Franchement, je préfère m'abstenir ou me branler hein, que d'aller chez quelqu'un qui est pas propre ou avec des poils sale, qui me plaît si pas. Chlingue, moi, j'aime. Arrêtez, bande de porcs, hein, vous êtes des dégueulasses. Au pire du pire, je me branle dans ses cheveux. Mais ouais, voilà, Toff, polo numéro 2 maintenant, tiens, c'est parfait. Juste pour essayer, j'aimerais bien voir comment ça fait. C'est ça, ouais. Bon, bah très bien. Merwan, encore un truc à ajouter par rapport aux premières fois? Non, c'était juste affreux quoi. Non, mais très bien. Bah écoute, tant mieux, c'était bien kiffé. Merci Tiziano également d'être passé. Vous revenez quand vous voulez. On va prendre Aurélie avec nous là. Aurélie, t'es là? Oui. Oui, Aurélie qui nous avait appelé hier. Exact. Eh oui, Aurélie, qu'est-ce qui t'amène? Rappelle-nous pour ceux qui n'étaient pas là hier. J'avais un petit problème par rapport à la sodomie. Mon gars, il veut quasi faire plus que ça. Voilà. Bien, non. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, on t'avait dit. Qu'est-ce qu'on t'avait dit hier? Je me souviens plus. Qu'il était gay. D'aller te faire enculer. Exactement. Il n'y a pas de souci. Ouais, on t'avait dit ça. Et est-ce que tu l'as à tes côtés là? Ouais, je l'ai à mes côtés. Parfait, on va pouvoir lui poser des questions. Alors reste avec nous. Exact. Reste avec nous, Aurélie. On va revenir avec toi dans quelques minutes et on va d'abord terminer la colle avant de faire d'autres appels encore avec Toff. Et n'oubliez pas qu'il y aura également la première compétition des Jeux Olympiques ce soir. Oui, eh oui, on avait dit curling. Le curling que nous allons faire évidemment en direct dans les studios. Bon, Fred qui est avec nous de Montpellier toujours là. Et avec la colle, je rappelle donc que nous allons appeler quelqu'un qui a balancé la bonne réponse hein, normalement, en tout cas par SMS ou via le Facebook de l'émission. Si la personne qu'on appelle maintenant donne la bonne réponse, et ben tu perds si elle ne donne pas la bonne réponse ou qu'elle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, d'accord? Ça marche. C'est parti, on y va, on appelle. Je te souhaite bonne chance, il est minuit 29. Bah minuit 30 maintenant, ça y est. Allez, on aura Dimitri Vegas avec Stampede. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Cécile. Salut Cécile. T'es là, oui. T'es dans quelle ville, Cécile? À Limoges. À Limoges, très bien Cécile. Bon, Cécile, il y a Fred, il y a une colle à te poser là. Bah salut à toi. Donc, qu'est-ce qui est le plus dur lorsque l'on apprend à monter à cheval? Le sol quand on fait une chute. Exact. Eh ben voilà. Bonne réponse Cécile. Eh ben, tu repars avec le pack, comme promis, ça vaut 100 euros les sous-vêtements Obad qu'on va t'offrir, hein, de la petite box My Crazy Collection offert par... Non, t'entends mal. Mesdessous.fr. Ah, je me disais bien. Bon, bah bravo, bravo Cécile. Ben merci beaucoup. Avec plaisir, un gros bisou, je t'embrasse, à bientôt à Limoges. À bientôt. Salut, et Fred, bon bah désolé, malheureusement, c'est pas pour toi, hein, pour le coup. Bah tant pis. Oh, ça arrive, problème, hein. Ça arrive même au meilleur, bien sûr. Salut à toi Fred. Je peux passer une dédie. Eh ben vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bah carrément au peuple Twitter sur... voilà. Au peuple Twitter sur... voilà, bah, très bien. Non, mais Ouais. Ah bah tout bientôt le prochain film, Le Peuple du Tweet. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est possible de gérer un Paxson aussi. Bon, tu vas gérer ça avec Sandro, sans problème. Salut Fred. Allez, à bientôt, ciao à toi Fred. Bon bah les autres, venez nous rejoindre, hein. Facebook, tapez M.I.K.L. officiel, collé en un mot. Si vous voulez nous rejoindre également sur le Twitter, là aussi c'est très simple, vous tapez M.I.K.L. _ avec le petit tiret en bas officiel. Si vous me suivez, je vous suivrai également. Et puis sur Instagram, vous pouvez également nous rejoindre. Et bah vous tapez également M.I.K.L. officiel, là aussi je vous suivrai si vous me suivez, avec grand plaisir. Please call again. M.I.K.L. No limit. Tous les soirs 23h-2h sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, venez nous rejoindre sur Fun Radio, minuit 32, toujours au cœur de la nuit sans pub avec les appels de Toff. On va les faire dans quelques minutes, toujours grâce à tous les numéros que vous nous avez envoyés, hein, sur le mail de Toff. Continuez d'ailleurs, toph@funradio.fr. Il y a Let's Be Flux qui dit: mais je suis là, alors quand est-ce que tu me fourres, Toff? Mais ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. On écoute Dimitri Vegas maintenant sur Fun, c'est Stampede. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio, minuit 35. Avec tout à l'heure la première épreuve, grande épreuve d'ailleurs, ouais, des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Ouais. Et c'est dans Mickaël, nos limites. Ça se passera tout à l'heure avec la Belgique qui va donc prendre part à cette épreuve. Oui, oui, une très grosse épreuve. Ah bah très grande épreuve évidemment. Le prince. Nadia qui dit: c'est juste énorme la photo avec le point jaune. Chez moi ça a marché, ça fait très drôle. Bah oui, c'est clair. Il y a FDP sans pression aussi qui dit yo bande de gentils. Bah, salut FDP, hein. Et puis encore le prince Nadia qui dit: Toff va faire des heures sup en plein bois après l'émission. Ah oui, par rapport à la photo qu'on a mise sur le Facebook où Toff est en meuf dégueulasse. Non, je suis très charmante. Non, non, t'es dégueulasse, c'est une horreur. Mais à part Polo qui a dit qu'il te baisait, le reste, c'est improbable. Hein. Je suis une très belle pin-up. Une horreur, une traînée, ouais, ça c'est une traînée. C'est pas Polo? De quoi? C'est une traînée. J'écoute pas quand ce mec parle ce matin. Ah pardon, d'accord. J'ai envie de le regarder, j'ai envie de vomir. Mais t'as raison. Bon, on va faire des appels, hein, les premières fois, comment ça s'est passé. D'ailleurs, on a eu des garçons ce soir pour les premières fois, je suis triste. Les filles, vous êtes pas là? Je traîne les yeux, appelez-moi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Dites-moi comment s'est passé votre première fois et à quel âge, eh bien, ça s'est passé. Voilà, appelez-nous, on en parle dans quelques minutes. Et bien justement, en parlant d'appel, on va appeler encore des gens maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va? Allons-y. On va leur demander à quel âge s'est passé leur première fois justement. C'est parti, il est minuit 36. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur. Mais vous êtes fou dans vos culs. Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous me dites ça? Bon, ne me dis jamais les choses pareilles, d'accord? Mais enfin, monsieur, pourquoi vous vous dites ça? Si tu es un homme, il fallait montrer ton téléphone. Je vais te casser ton cul, imbécile Bilal Koro. Il est bon. Attends, on va le rappeler. La Coro. On va le rappeler, il était cool lui. Est-ce qu'on va tomber sur le même? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, parce que vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Est-ce que tu es malade? Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Bon, s'il vous plaît, donnez-moi ton numéro de téléphone. C'est un nombre. Alors, c'est le 01 48 50. Oui. 00. D'accord. Voilà. Mais ça répond. Non, non, c'est bon. Je vais te joindre. Je ne suis pas sur place. J'ai un déplacement. Mais quand je viens à Paris, je t'appelle. Je vais au commissariat. Parce que là, moi, je n'aime pas ça. Mais vous n'aimez pas quoi, monsieur? Il me manque de respect, d'accord? Tu la fermes. Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la première fois. C'est tout. Bon, c'est bon, d'accord. Mais arrête. Mais non, c'est pas bon. Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. J'ai dit c'est bon. D'accord. Mais non, monsieur. Pour que ce soit bon, il faut que vous répondiez. Ouais, mais il a dit c'est bon là. Ah non, mais on va le rappeler, Oui, bah, je confirme, ouais, effectivement, on va le rappeler. Ouais. Bon, bon, on le rappelle là tout de suite ou on attend un petit peu? Non, tout de suite. Bon, allez, c'est parti, on y va, on le rappelle tout de suite, c'est parti. Allez. Voilà. Écoute-moi bien, tu vas commencer à mal. Arrêtez d'appeler. Mais oui, mais répondez à ma question alors, monsieur. Arrêtez de m'appeler. Mais répondez à ma question. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Toff, monsieur, et vous? Toff. Oui, c'est ça, c'est mon nom. Vous êtes où? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ben, je veux savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur. S'il vous plaît, j'ai dit arrête, d'accord? Ben, oui, mais monsieur, je comprends pas, parce que je vous pose une question, vous répondez pas. Eh, je te dis que tu me poses pas cette question, parce que moi, je te réponds et je te pose pas jamais cette question. C'est votre vie, ça te concerne à vous. Je respecte, tu respectes ma chose comme ça, d'accord? Mais oui, moi je respecte, s'il monsieur. Vous plaît, non, mais c'est bon. Mais si j'ai dû arrêter de me téléphoner. Mais si vous êtes encore puceau, c'est pas grave, monsieur, vous pouvez me le dire. Hein. Je te dis, ne me demandez pas, d'accord? D'accord, mais... Arrêtez de téléphoner, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais alors, à quel âge? Ah merde! Ah, il a raccroché, bonsoir. Moi, je pense qu'il est puceau. Ouais, à mon avis, ouais. Peut-être qu'il a pas osé le dire, mais c'est possible aussi, ça, je sais pas. Bon, ben, restez sur Fun Radio. Tout à l'heure, on fera encore d'autres appels, bien entendu, comme d'habitude. Et je rappelle que si vous avez envie de balancer quelqu'un, faites de la délation, un mec qui vous a fait chier, hop, vous donnez le numéro de téléphone à Toff, on l'appelle. Bah avec plaisir, moi. Bah, tant qu'il est encore debout à cette heure-ci, évidemment. Vous envoyez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On écoutera le son de Dame dans quelques minutes, là. Enfin, Dust and Nicki Minaj. Il y aura aussi le nouveau Major Lazer que je vous ai fait découvrir hier. Avec Shana Paul, Come to Me. Voilà, on le passera tout à l'heure, donc restez bien connectés également sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez hashtag et Mickaël pour balancer tous vos messages. Et puis il y a Jean-Pascal qui dit putain l'accent de ouf. Ouais, il avait l'accent. Hein. Et Romain aussi, mort de rire, le black avec l'accent sénégalais. Et mais pourquoi Toff, c'est le bouc émissaire, lui au moins il a les couilles de péter les assiettes, c'est Frost. Bah si, il faut pas avoir des couilles pour péter les assiettes, Frost. Voyons, faut être con, exactement. Et c'est exactement le mot que je cherchais. Bon, on va encore filer un pack au bas de My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr évidemment. Bah voilà, pour gagner c'est simple, vous inscrivez sur le Facebook ou vous appelez Sandro directement 01 42 48 5000. Allô, comment tu t'appelles? Ah, j'appelle Dylan. Salut Dylan, bon t'as envie de ton pack, des sous-vêtements j'imagine pour ta copine? Ah, non, ouais. Non, c'est pour moi. Non, c'est pour moi, exactement. C'est... Ouais, c'est fraîchant, mais ça. Bah tu m'étonnes. Bon bah 100€ c'est ce qu'on va te filer, donc ça vaut 100€ le pack à peu près. Hein. Le pack My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr. Voilà, bah, ouais, bravo à toi bien. Dylan, comment s'appelle ta copine? Elle s'appelle Emeline. Emeline, eh ben Emeline, très bien. Eh ben amusez-vous bien pour la Saint-Valentin. Ah bah c'est ce qui est prévu. Eh ben bah, très bien. Emeline, et toi tu la limes? Ouais. Tranquillement. Voilà. Hop là. Le mec n'a pas honte quoi. Salut Dylan. Ouais. À bientôt, ciao. Bon, il y a Stéphanie qui est avec nous là pour parler de sexe et donc par rapport surtout à cette grande question qu'on avait posée en début d'émission. Oui. Est-ce que pour vous, parce que vous trouvez ça normal, justement, hein, que certains mecs préfèrent avoir une meuf sage, qui est pas trop demandeuse de cul et qui va rester s'occuper de la maison et du ménage, et après aller baiser sur le côté, parce qu'ils partent du principe que une femme qui n'aime pas trop le sexe, enfin en tout cas qui n'en demande pas beaucoup, va plus facilement rester à la maison, alors que celle qui aime bien le sexe va plus facilement avoir tendance à aller voir ailleurs. Ah, je sais pas. Et donc Stéphanie qui est avec nous, là, va nous donner son avis. Salut Steph. Salut. Comment va? Ça va et toi? Très bien. Alors, quel est ton avis sur cette grande question? Ben, c'est nul. C'est nul, oui, oui. Ça, oui. Je préfère que... Je serais un mec, je préférerais que ma femme, elle soit une chienne au pieu pour moi, plutôt qu'elle bouge pas et que tu sois obligé d'aller voir ailleurs. Ta femme, tu es censé ne pas avoir de tabou avec elle. Mais exactement. Mais moi, ce que je dis depuis le début aussi, c'est que si tu te fais chier au lit, à un moment, elle va aller voir ailleurs. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le mec va être avec une meuf qui avec qui il y a pas beaucoup de sexe parce qu'il va croire qu'elle reste à la maison. Il va se taper une grosse cochonne et la meuf qui est censée rester à la maison va aller se taper un autre mec parce que c'est une grosse cochonne. C'est ça. Et donc, elle est frustrée à la maison. Et comme ça, tout le monde va voir ailleurs et tout va bien. Eh bah non, tout va pas bien. Mais effectivement, tout le monde va voir ailleurs. Faut pas rester ensemble si c'est comme ça, c'est ça. Hein. Bah c'est un détail. On est bien d'accord. Bah oui, c'est un détail. Bah oui, c'est un détail. Il trompe pas sa femme, il se trompe de femme, c'est ça. Voilà, on peut voir ça comme ça en effet, ouais. Bon, bah très bien. Et Stéphanie, première fois, toi, c'est à quel âge? Comme ça, on fait une pierre de coups. 19. 19 ans. Ok, d'accord. Ouais. Ça s'est bien passé. C'était vous. C'est évidemment voulu, mais je veux dire, c'était pas pour faire plaisir au mec. T'avais envie. C'était avec un coup d'un soir. Voulu, c'était quoi C'était voulu avec un cousin. Non, non. C'était voulu et ça s'est très très bien passé. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup. J'en garde un bon souvenir. Eh ben parfait, Stéphanie. Eh ben gros bisous, à bientôt, Stéphanie. Bisous. Salut. Avant de récupérer Alexandre, Merwan avec Gaëtan et Cindy également qui est là pour parler de la première fois. Salut Cindy, comment tu vas ? Bien et toi, Michael ? Très très bien, Cindy. Bon, Cindy, avant de parler avec toi la première fois, on va d'abord récupérer Aurélie avec son problème de sodomie là. Oui, t'étais là hier ou pas, Cindy ? Non, hier j'ai un problème téléphone donc j'ai pas pu écouter malheureusement. Eh ben bravo. C'est tout ce que tu mérites. Non mais alors Cindy, depuis quand tu nous fais des infidélités comme ça? Hein? C'était juste un jour. Oui mais c'est un jour de trop. C'est comme si tu disais ta meuf, ouais mais j'ai été trompé qu'une seule fois. Ah bah bon oui, alors ça va. C'est ce que dit Tof. Oui oui, non, bah, c'est clair. Et puis après même des connards qui sont encore un level je pense au-dessus de Tof qui disent ouais mais tu sais quand je t'ai trompé, pendant que j'étais en train de baiser l'autre, je pensais à toi. Ah bon alors ça va. Le mec est quand même un gros connard quand même. Ah c'est la plus grosse merde de c'est la terre. Fou, ah putain. Mais déjà ah non et c'est pas Tof comme quoi hein, Tof est la sous merde. Voilà. Comme quoi j'ai encore de la marge de progression. Quoi. Ouais voilà c'est ça. T'as encore quelque chose à faire. Effectivement. Bon, alors, bon, Cindy, reste avec nous. Aurélie, donc, qui nous avait appelé hier parce que son mec ne souhaite que l'enculer. Hein. Grosso modo, appelons un chat un chat. Ouais, c'est ça. Exact. Voilà. Et donc, t'as ton mec avec nous, c'est ça ? Exact. Enfin, avec toi, plutôt. Bon, bah, passe-le-nous, ouais, peut-être. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Julien. Il s'appelle Julien. Passe-le-nous, Julien. Ok, je te le passe de suite. Hein. Ça marche. Allô, Julien ? Yeah. Deux secondes, hein ? Ah bah oui, mais enfin bon, alors ? Allô Julien. Salut. Ça va bien ? Ça va, ça va. C'est toi l'enculeur ? Ouais, on l'appelle Mikado hein, dans le métier. Mikado. Bon, Julien, alors j'adore, explique-nous. L'autre, il dit alors, c'est toi l'enculeur et l'autre, c'est Mikado. Bon, explication de vanne pour ceux qui n'ont pas compris la vanne de Mikado quand même. Oh, comment tu veux que j'explique Mikado ? Bah, en fait, donc Mikado, tu connais le petit bâton qui est avec une grosse partie dans le chocolat et puis le petit bout qui reste, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est tout, Mikado. Bon, l'enculeur, il est où ? Bon, Julien, alors explique-nous pourquoi t'es en kiff absolument sur la sodomie ? Enfin, bon, que tu sois en kiff, je comprends, parce que c'est plus serré, etc. Mais pourquoi que ça ? Voilà, mais bon, déjà, je voudrais rectifier 2-3 trucs. C'est que je ne fais pas que ça, hein ? Parfois, tu lui éjacules à la face. Non, Tof, putain, allez, sors. Tof, tu sors. Une minute dehors. Tof, t'es grondé. Il est en rue de Tof ou quoi ? Non, il peut plus parler pendant une minute, là. Il est au coin. Pourquoi il a quoi ? Parce qu'il arrête pas de dire des conneries et qu'il est au coin. C'est comme ça. Bon, donc je disais, Julien, on sait que tu ne fais pas que ça. Effectivement, Aurélie nous a expliqué qu'il y avait des préliminaires, mais par contre, tu ne passes plus par devant ? Non, si, je passe encore par devant, mais bon, j'y trouve plus trop d'excitation. Mais pourquoi ? Bah, pourquoi ? Parce que c'est trop open bar, quoi, comment dire, voilà, elle est trop ouverte, moi j'ai plus de sensations. Elle est trop ouverte ? Mais comment ça, elle est trop ouverte ? Bah, je sais pas, moi j'ai plus de sensations. Ou alors, parce qu'on en a réfléchi hier, ou alors peut-être une petite bite. Non. Bah c'est possible hein, mais bon si tu veux je peux te donner mon adresse, tu peux venir hein, comme ça tu la goûteras. Non, moi ça m'intéresse pas, oh là là Julien. Mais non mais c'est pas. Mais non mais toi tu te sens attaqué, c'est pas une attaque. Tu te sens attaqué mais c'est pas une attaque. C'est vrai que si t'as une petite. Enfin quand je dis petite elle peut être longue, mais si elle est c'est relativement fine, c'est clair que si tu passes devant tu sens rien alors que derrière, bah évidemment c'est plus serré. Bah c'est pas à moi d'être prétentieux de raconter la taille de ma vierge, hein. C'est ma copine de le dire. Hein. Bon de circonférence, elle fait quoi, la taille d'un stylo ou d'une canette de coca? Ouf, bah c'est ni l'un ni l'autre hein, non plus. Hein. Bon, de Red Bull alors. C'est pas une canette de coca, je suis pas membré. Envoie une photo, ça ira plus vite. T'es puni, on t'a dit. Non, c'est bon, la minute est passée. La minute est finie. La minute est passée, ouais. Mais repasse-nous peut-être Aurélie 2 secondes alors. D'accord, je te la repasse. Ça marche. Aurélie. Oui. Qu'est-ce qu'il a l'enculeur, il est nerveux. Aurélie. Putain, ils emmènent du temps. Vous êtes à 3 maisons de différence ou comment ça se passe, Aurélie? Non, ça va, ouais. Ah, d'accord. Bon, alors en circonférence, elle fait combien à peu près sa teub? Circonférence, tu as déjà dit hier soir, elle fait un bon 17. Non, circonférence, c'est-à-dire le rouleau, il fait combien le rouleau? Quand tu tournes autour, pas la longueur. Ça va. Par rapport à un rouleau de printemps. T'abonnes-toi. Tu prends ton rouleau de PQ et puis... Non, mais attends, tu rigoles ou quoi, on dirait un petit peu, tu vois. Et ouais, un rouleau de PQ Un rouleau de PQ, ça attaque d'un rouleau de PQ? Mais attends, c'est un rouleau de garde, ta chatte. Du rouleau de PQ. Attends, mais c'est un truc de ouf. Bon, attends, bouge pas, on en reparle dans quelques minutes. Je te jure, hein. Ouais, non, mais attends, mais quand même, reste avec nous, Aurélie, reste avec nous, Cindy, Gaëtan, on va le reprendre dans un instant. Il y a Jérém également qui est là. Et puis vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limites. 23h, 2h. Mickaël No Limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et on s'écoute le son de Dust et Nicki Minaj maintenant sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. C'est Damn, allez appelez-nous, on est là jusqu'à 2h en direct, rien que pour vous. Bienvenue tout le monde. Le son de Dust et Nicki Minaj. Pour bien comprendre, Mickaël No Limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct jusqu'à 2h, hein, tous les dimanches soir également, de 20h à minuit. Il y a Miaël aussi qui dit il y a pire que je pensais à toi pour... Ah oui, par rapport aux excuses que tu donnes à ton mec. C'est genre, on parlait d'un gros con là, qui avait dit oui non mais t'inquiète pas, je t'ai trompé, c'est vrai, mais pendant que je baisais l'autre, je pensais à toi. Ah bon, bah alors d'accord. Donc, alors ça dit, va, non ça va, si tu pensais à moi, ça va. Voilà, lui dit qu'il y a pire, il y a aussi t'inquiète, c'était mieux avec toi. Ah bah alors me voilà rassuré. Ah il m'a fait un compliment mon mec, hein, c'était génial. Cool. Il allait voir ailleurs mais il s'est rendu compte que c'était mieux avec moi. Ouais, il y a Kevin qui envoie un message qui dit: je vous écoute tous les soirs au volant de mon poids lourd, c'est trop puissant. Et alors salut toute l'équipe, dis-moi, y a-t-il une auditrice qui ne veut pas passer la Saint-Valentin seule, ne pas passer seule la Saint-Valentin ce vendredi pour un petit resto? C'est Kevin. Ah oui, l'autre c'était Aigle 66, pardon. Donc voilà, Kevin qui vous invite au resto les filles, si jamais ça vous intéresse, hein, vous nous dites. Et puis Guillaume qui dit: c'est moi qui ai donné le numéro du mec qui a eu l'accent, c'est un marabout. Ah bah merci Guillaume, t'es cool celui-là. Et Dream Revengers qui dit: je suis prêt à payer 1000€ pour avoir Toff dans mon lit avec sa tenue sexy. Pardon, qui ça? Dream Revengers. Bah d'accord, envoie le chèque, y a pas de souci. Voilà, mais c'est un mec je pense. Ouais c'est pas grave. Ah pour 1000€, ouais. Ça va? Je serai dans son lit, j'ai pas dit que j'allais le sucer. Hein. Ah bon, bah peut-être que lui va le faire. Ah bah s'il me suce, il fait ce qu'il veut. Quelle horreur. Bon allez, balancez tous vos messages comme d'habitude. Appelez-nous aussi 01 42 48 5000, le numéro du standard qui fonctionne évidemment. Le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis continuez à venir également, hein, on est en top 8 depuis le début de la soirée, grâce à vous. Le mot-clé le plus cité sur le Twitter en France, c'est Mickaël, M-I-K-L, grâce à vous. Donc continuez comme ça. Et prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Hashtag Mickaël sur le Twitter et venez nous rejoindre sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel tout simplement. On est 345 000 la pépère, hein, depuis qu'on est à la radio, depuis 7 mois maintenant. Grâce à vous, on continue et j'espère que ça va continuer comme ça justement. On va continuer à parler des premières fois. On va parler également avec Kevin et Aurélie. Aurélie qui nous avait appelé parce que son mec ne souhaite que la sodomie. Il n'aime plus passer par devant parce qu'il dit que c'est pas intéressant. T'es là Aurélie? Ouais, je suis là. Bon, ouais. Y a Kevin qui voulait te parler également de Melun là. Salut Kevin. Salut les gars. Salut Kevin, comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah très bien Kevin, sois le bienvenu. Tu voulais parler à Aurélie toi? Ah bah ouais, écoute, c'est son mec, il veut plus, bah moi je suis là. Hein. Oui, toi t'es prêt pour une double? Ah non, mais il a pas dit qu'il voulait plus, hein. Non, il a pas dit qu'il voulait plus, il a simplement dit qu'il ne ressentait plus rien à passer par devant, il préférait leur sodomie. Ah ouais, mais bizarre quand même ce type là. Non, mais c'est pas, oui, bizarre. Mais c'est juste que c'est effectivement pas très courant quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant, c'est pas souvent que t'entends des trucs comme ça. Bah voilà, c'est ça, ouais. Donc, en même temps, Aurélie, si tu l'acceptes, c'est que tout va bien. Après, faut sortir par lui. Oui, ma foi, j'ai pas dit que ça allait mal non plus, hein. Je dis que c'est un peu saoulant, c'est tout, hein. Mais pourquoi il fait pas... Attends, repasse Julien deux secondes. Passe-nous l'enculeur. Il te plaît, mon gars, hein. Ouais, il est chaud, Polo. Ouais. Attends, je te le passe. Ah, bah, repasse-nous. Donc là, il repart de nouveau à l'autre bout de la maison. Voilà. C'est 5000 mètres carrés habitables. Oui, monsieur. C'est ça. Ouais, Julien. Bon, dis-moi, et pourquoi tu fais pas de temps en temps quand même au moins par devant, pour ne fût-ce que pour faire plaisir? Non, mais si, je fais par devant. Hein. Faut pas croire que je passe tout le temps par derrière. Ce que mais c'est tout à l'heure. C'est ce qu'elle nous a dit hier. Moi, je pensais que c'était vrai. Non, non, mais bon, bah après, oui, j'ai une... Voilà, je vais pas me mentir, oui, j'ai une bonne passion pour derrière, quoi, parce que franchement, quand tu prends derrière... Ah voilà, bah c'est plus serré, non, bah bien sûr. T'as les hanches généreuses, t'as les bonnes fesses roses, t'es... Putain, tu prends ton petit cochonnet, quoi, tu vois. Tu prends ton petit cochonnet. On est pas mal avec cette expression, là. Mais bon, mais après, si tout va bien, tant mieux. Mais si elle nous a appelé, c'est que bah elle a peut-être envie de faire autre chose aussi, tu vois, que tout le temps la sodomie. Parce qu'à la base, c'est pas prévu pour ça. Non, non, non, non. Mais bon, après, on fait un peu de tout. Mais bon, oui, c'est clairement, oui, principalement, oui, c'est... Parce qu'en voilà. plus, elle nous a dit hier que tu, à force de le faire, vous y allez même plus avec la préparation, quoi. Tu vas comme un bourrin, quoi. Ouais, mais bon, à force, elle doit avoir le cul dilaté. Comme un bourrin, j'y vais pas avec une poignée de gravier ou... Voilà, hein, j'y vais pas à sec non plus, hein. Bon, encore heureux, manquera bon, plus que ça, t'imagines, voilà, la peau. On trempe le biscuit, et puis après, voilà. Et puis après, tu le retrempes dans l'autre sens, quoi. Voilà. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de dire tant mieux, hein, si ça se passe bien, c'est bien, Kevin. Bon, tu voulais draguer Aurélie, mais visiblement, c'est pas gagné, Kevin. Hein. Ah bah ouais, c'est comme ça. C'est la bah c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Bon, eh ben écoute, bah Julien, bah bonne bourre alors. Hein. Merci beaucoup. Vous avez prévu ce soir une petite sodomie ou pas là? Non, pas ce soir, non. Non, bon, pas tous les soirs. Ouais, non. Pas ce soir, très bien, non, parfait. Faut de la récupération. C'est ça. Bon, bah salut Aurélie, salut Julien en tout cas. Et Kevin, bah merci d'être passé quand même. Hein. Bah écoute, y'a pas de soucis. Hein. À bientôt. Ouais, bah ouais, pas de problème, bonne soirée les gars. Salut, tu reviens quand tu veux, y'a pas de problème. Ciao. Bon, retour avec Cindy, t'as pas ce problème toi, Cindy? De quoi? T'as pas de problème toi, à ce niveau-là? Non. Ton mec, il passe pas sa vie à vouloir t'enculer, si je puis me permettre. Hein. Non, j'ai pas de mec. Ah, t'as pas de mec, alors c'est peut-être une raison, alors. Très bien, Cindy. Cindy, bon. Combien mesures-tu? En plus, elle est dans le 94, stuff. Ah, oh, bah parfait. Allez, Cindy. 1m64. Combien pèses-tu? Oui, je t'écoute. Tu peux lui dire d'aller te faire enculer, hein, si tu veux. Hein. De quoi? Tu peux lui dire d'aller se faire enculer, si tu veux. Hein. Attends. Non, mais... Moi, j'aime pas trop dire mon poids. Bon, bah, elle dit pas, alors, pas de problème. Enfin, il est pas énorme non plus, mais bon. Ah, bon, bah, alors, s'il est pas énorme, combien? Non, j'aime pas, j'ai un complexe. T'as un complexe? En même temps, tu sais, je vous dis ça pour les filles, mais... Vous pouvez inventer n'importe quoi en même temps. Il va pas vérifier. C'est juste qu'il est content. Il a son petit carnet. En plus, c'est une merde. En plus, c'est ça. Et donc, en plus, il a son petit carnet. Il est content. Donc, quand bien même vous êtes immense, etc. Vous dites que vous faites, je sais pas moi, 1m70, 60 kilos, 90 c. Et de toute façon, le mec, il va être content. Il va se dire oui, mais je peux venir te baiser ce soir. Et donc, vous allez dire bah non, casse-toi parce que moi, je prends pas les moches. Et hop, voilà, vous en êtes débarrassé. Conseil pour les autres auditrices qui passeraient éventuellement plus tard. Bon, Cindy. Ouais. Comment s'est passé la première fois? Ouais. Non, c'était. Je viens témoigner pour ma sœur. Ah, c'est pour ta sœur? Ouais. D'accord. J'ai pas très envie de passer. En fait, ma sœur, elle a fait à 16 ans et elle est tombée directement enceinte. Putain, c'est dingue ça quand même. Mais pourquoi elle a pas mis de capote? Je sais pas. Parce qu'elle est stupide, c'est pas possible autrement. Non mais. Bah... Voyons, Cindy. Oui. T'es sûr que c'est pas toi? Parce que le coup de la sœur ou de l'ami, on la connaît. Non, pas du tout, elle est juste à côté. Ah bon, d'accord, quel âge est là, elle? Elle a 22 maintenant. Elle a 22, oh là là, mais comment est-ce possible de pas mettre de capote? Ah là là, je comprends pas. Moi, je pourrais pas, hein. C'est un truc, je suis tellement parano, moi, que... Oh, je pourrais pas. Bah, c'est sûr que c'est... quand tu connais pas la fille, vraiment, vaut mieux en mettre. Mais même quand tu la connais, c'est pas marqué sur sa tête s'il est malade ou pas, tu vois. C'est vrai. C'est... Sauf si t'as fait les tests et que c'est ta meuf, à ce moment-là, y a pas de malaise. Tu la connais bien, c'est-à-dire que quand c'est ta fixe... Ouais. Voilà, mais moi je pourrais pas, putain, faire un coup d'un soir comme ça ou avec quelqu'un que je connais pas et pas mettre de capote, même si je connais la fille, même. Mais c'est déjà, ça faisait... Quoi, 2-3 mois qu'ils étaient ensemble. Bah oui, mais la preuve que elle a pas pris la pilule et elle est tombée enceinte. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pas de pilule, pas de capote, et puis voilà, jackpot. Et le pire, c'est quand pas t'as mal ça comme slogan. T'as vu, pas de pilule, pas de jackpot. Non, exactement. Elle l'a pas gardé. Non, mais d'accord, ok, qu'elle l'ait pas gardé. S'il avait 16 ans, tu me diras normal entre guillemets. Mais quand même, c'est juste que c'est improbable. Voilà, ça me trop le cul, envie de dire. Bon, et aussi, comment relie? Ouais, t'as vu, bah pareil, exactement, ouais. Et donc, du coup, elle, donc première fois, elle a directement eu le polichinelle. Ouais, mais maintenant, elle fait plus attention. Mais non, c'est quoi? Maintenant, elle fait plus attention. Ah ben, heureusement, bah c'est bien, c'est déjà ça de prix, tu me diras. Tiens, il y a Maria aussi qui envoie un message, qui a un petit conseil, si tu as un vagin large taille éléphant, il faut relever les jambes et contracter le vagin, ma source, le Kama Sutra. C'est une bonne idée, Marie, on n'y a pas pensé, mais merci à toi. Et Manon aussi qui dit des fous rires avec vous. Et Secret Kiki t'offrerait tout pour de l'argent, même fourrer son zboob dans les fesses d'un nufien. Ouais, nufien, c'était les extraterrestres d'hier. Mais bien sûr, moi je fous dans tout ce qu'il y a. Du moment qu'on met une capote devant. Bah évidemment. Attends, il y a Gaëtan aussi qui est avec nous de Saint-Malo. Salut Gaëtan. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Bon, allez, première fois avec toi, c'était quoi? Bah en fait, si tu veux, ce que j'ai dit à merde au standard, c'est que en fait j'ai mytho. Merde, fait, tu l'as appelé merde au standard? Oui, oui, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Non. Eh, dis-moi merde, tu vas décrocher là parce que je te vois t'es en train de dormir. Merci merde. Mais non, mais non. Non, arrêtez, elle est adorable en plus. Non, non, mais en fait, moi j'ai mytho. Tu dis ça parce que tu ne la connais pas. C'est peut-être ça. Bon, vas-y Gaëtan. Enfin, moi j'ai mytho tout le monde, j'ai dit à tout le monde que je l'avais fait quand j'avais 14 ans et tout ça. Ouais. Et enfin, parce que c'était un peu vrai en fait. Enfin, j'étais... Ouais, non, c'est compliqué. T'as mis juste le gland. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, non, c'était une meuf chelou en fait, que je connaissais parce que j'étais en cours avec elle. Et enfin, c'était bizarre, elle voulait que. Enfin, en gros, elle voulait que je l'encule. Et moi, j'ai pas voulu en fait. On essaie, ah bon pas rentré. Mais t'es, ouais, t'es, Narvalo, t'es quand même un des rares mecs à dire non à ça. Hein. En général, c'est plutôt le mec qui a. Qui hésite mais un peu, je sais pas comment demander. Ah ouais, non, mais alors, puceau, je peux te le dire direct. C'est-à-dire que tu tombes sur une meuf quand t'es puceau qui te dit j'ai envie que tu m'encules, j'ai envie que tu me sodomises, n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec, rien que d'y penser, pff, fini. Hein. Bah, ah bah oui, ah bah la toute première fois, bah oui, non, mais c'est évident. Voilà. Et du coup, après, j'ai eu une autre copine. Et en fait, on a essayé de baiser et ça rentrait pas dans sa chatte. En fait, elle a une trop petite chatte. Ou alors du coup elle allait chercher un écarteur. Non. Ou alors tu l'excitais pas assez et qu'elle mouillait pas, ça c'est possible aussi. Hein. Ah bah je sais pas, je lui bouffais la chatte avant, mais enfin. Oh là là, quelle grande classe. La grande ouais, grande classe, Gaëtan. Ouais, je sais. Ah bravo. Mais c'est comme ça. Et du coup là je suis avec ma copine, là, ça fait bientôt 2 ans et ça se passe impeccable et du coup on a baisé direct et ça se passe très bien. Bon bah écoute, tant mieux j'ai envie de dire, hein, si ça se passe bien, c'est parfait. Bah oui, bah merci Gaëtan, merci Cindy d'être passé, vous revenez quand vous voulez, hein. Et ben voilà, bah bonne soirée, et puis salut. Ne changez pas, vous êtes mortels. Oh bah c'est gentil. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, jusqu'à 2h du mat, tu auras le chéri, je peux te faire cocu. Puis surtout, il y a aussi les JO qui vont débarquer dans quelques minutes avec la Belgique qui va faire cette première épreuve des Jeux Olympiques. Ce sera le curling juste après le son de Major Lazer et Sean Paul. C'est Come to Me maintenant. Sur Fun. Ah, il est bien foutu le nouveau Major Lazer sur Fun Radio avec Sean Paul. C'était Come to Me. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, ouais, évidemment, ouais. Jusqu'à 2h, comme on vient de le dire, là, le dimanche également, de 20h à minuit. Prévenez vos potes, il se passe un truc à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Continue à faire grossir cette communauté, qui grossit d'ailleurs, hein, la communauté Mickaël No Limit. Parlez-en le lendemain, évidemment, dans les bahuts, au boulot, etc. Il se passe un truc et je compte sur vous pour le faire savoir. Bon, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui dorment mal ou peu comme nous. Enfin, sauf aujourd'hui où je me suis quand même levé bien tard. Mais enfin, dans l'absolu, effectivement, on dort plutôt peu. Si c'est juste une nuit de temps en temps, pas trop de problèmes, mais bon, après une seule nuit, donc pour ceux qui dorment peu, justement, vous avez plus d'appétit, donc Sandro, pour manger moins, il faut dormir plus, apparemment, donc ça, c'est quand même le bon plan. Ah bah apparemment, ouais. Pour manger moins, il faut dormir plus. Vous êtes plus susceptible d'avoir un accident, forcément, puisque vous êtes plus fatigué. Votre apparence n'est pas au mieux. Ouais, même ça c'est clair, hein, faut choisir. En gros, je suis chum quoi. Faut choisir, voilà. Direct les grosses cernes. Là, les grosses cernes, elles sont là, exactement. Vous êtes plus susceptible d'attraper un rhume. Vous perdrez de la masse cérébrale. On a compris pour Toff alors. On a tout compris. On a compris pour Toff. Vous devenez plus émotif. Ah, d'accord. Bah ouais, apparemment. Alors vous êtes moins concentré pour y avoir des problèmes de mémoire par exemple. Donc dites-nous combien de temps vous dormez par nuit, vous, à peu près en moyenne, hein, pas spécialement la nuit dernière. Mais en gros, vous dormez combien de temps par nuit, Toff, en moyenne? En moyenne, je pense de dormir 6 heures, un truc comme ça. 6 heures, Polo? 6-7 heures, ouais. Ouais, moi je suis plutôt vers 7h, 7h30. Ouais, bah, c'est ce qui est bon en fait, hein, c'est 7h30 là. Le bon plan pour dormir, c'est 7h30. 8h c'est trop, paraît-il. Et en dessous, c'est pas assez non plus. Donc Sandro, combien? Ouais, comme toi, 7h entre 7 et 8, je crois. D'accord, on va quand même faire un tour du côté du standard. Jérémy qui est avec nous de Marseille. Allez, Paris. Allez, l'OM. Comment ça va, Jérémy? Ça va, tranquille, ouais. Allez, Marseille.

Écoute. Bon. Écoute quoi, là, mais Damien. D'habitude, bon, d'habitude, je demande de t'excuser, mais là, je pense que c'est pas possible. Mais c'est. Mais non. Tu veux que je m'excuse de quoi? Mais non, mais non, mais non. Mais je vais venir te faire mon plus fort, ton cul. Damien. Damien. Damien. C'est off. C'est off. T'es en direct sur Fun Radio. Voilà, si tu viens le tuer, n'hésite pas, c'est, je m'appelle Toff. Ah, arrête, tu me prends pour un con là ou quoi? Mais non, non. T'es à la radio. Damien. Mais non, mais t'es à la radio. Eh, regarde, je vais te mettre ta jingle, si tu me crois, tu me prends pas là. Regarde, je t'en mets un là, regarde, attends, il faut que je le cale là. Attends, merde. Voilà. Tous les soirs, 23h, 2h. Voilà. BKL, nos limites. Eh oui. Sur Fun Radio. Voilà. Mais oui. Ah, écoute, elle nous avait dit que t'étais plutôt du style à t'énerver rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Ah non, mais c'est un pur Marseillais, tu peux pas t'en venir. Ah bah oui. Eh, allez, l'OM. Ah ouais, l'OM, ouais. Ah, l'OM, eh oui, drôle but. Ah, ça l'a calmé, tu sais. La prochaine fois, on serait possible d'attendre que je prenne un café, au moins, là. Ouais, mais dis-toi, vois le côté positif. C'est-à-dire que là, maintenant, t'es un peu nerveux, mais tu te dis quand même que c'est une bonne nouvelle, ouais, que ta femme est à la maison, que tout va bien, et que le Michel est pas du tout tout près d'elle, quoi. Ouais, putain, mais sérieux, là, tu m'as mis les nerfs, putain, j'ai... Bon, ça j'abrose va aller, ça va aller. J'abrose la remorque, j'arrive. Ah ouais, je vais te mettre le 44 tonnes dans le cul. Allez, rock'n'roll, Damien, là. Bon, bah, ouais, non, mais... bon, bah, Delphine, on va quand même te filer le casque audio, ça vaut 200 euros, on va t'envoyer ça, je te repasse Sandro au standard. Ou alors, Damien, enfin, l'un des deux, de toute façon, ça arrivera au même endroit, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'avoir joué, gros bisous tous les deux, et bon merci courage, Damien. Eh, hey, Damien. Damien, ouais. Allez l'OM. Allez l'OM, jusqu'à la mort. Eh oui. Allez, bonne soirée à vous, bye. Bonne soirée. Eh oui, à bientôt, allez l'OM. Bon, il est 1h20 sur Fun Radio, là. On va se faire les Jeux Olympiques avec notamment Toff, hein, qui est le premier participant, là, qui va faire le curling. Top. Oui, je suis prêt, je suis installé, nous avons testé la piste, nous sommes au top. Voilà, donc la piste est préparée, je vous suis en train de vous mettre la première photo de ces Jeux Olympiques, justement, de saut de ski. Voilà, c'est ça, hein. Premier Jeux Olympiques, donc ce soir en direct dans Mickaël No Limite, première épreuve, on a fait le lancement hier, et on va continuer évidemment ce soir. On fait ça dans quelques minutes, juste après le son d'Eric Arborès. C'est parfait, je suis prêt. Eh ben c'est parti, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. Bienvenue tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle 01 42 48 5000. Mickaël No Limite de 23h à 2h sur Fun Radio. Ça va être du très très lourd et on va filmer ça bien entendu. Première photo sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. C'est Eric Arborès, get ready. Au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, c'était Eric Arborès avec Get Ready. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limite, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ouais, on est en direct et il est pas 1h25 du matin. Et à 1h25 du matin, que doit-il se passer? Eh bien, il doit évidemment se passer cette magnifique... Attendez, parce que j'ai perdu ma... perdu mon sang du coup. Ce magnifique jeu, les Jeux Olympiques. Ah oui, c'est beau. Ce soir, et c'est avec la Belgique. Et Toff, oui, qui est donc en direct du couloir. Exactement, c'est là que je suis le mieux d'ailleurs. Bah ouais, je pense aussi, ouais. Donc qui va nous faire ce soir, qui va participer, donc c'est Belgique-France. Voilà, c'est ça. Belgique 1, pardon, avec Sandro. Oui. Enfin bon, ce sera toujours la même boule, hein. Il n'y a qu'une seule boule. Hein. Oui, il n'y a qu'une seule boule, effectivement. Bon, alors, Toff, je propose que tu expliques le concept du curling le temps que je te rejoigne. Écoute, c'est très simple. Hein. Donc, je serai la boule, Polo va pousser et Sandro va frotter. Hein, ce qui fait que, donc, le but, c'est que, comme au vrai curling, parce qu'au vrai curling, il faut mettre dans la cible, mais là, ce sera juste pour celui qui ira le plus loin. Donc, on verra qui de Sandro ou de Polo, puisqu'après, ils inverseront les rôles, qui m'emmènera le plus loin possible. Très bien, parfait. Bon, on va donc se faire alors je vous explique. Alors attendez. Je vous explique le concept. Donc effectivement, Polo est en train de chauffer la piste. Il chauffe la piste. Pendant ce temps-là, il y a Sandro qui a une serpillière avec du pec citron, hein, qui s'assent dans toute la radio. On a l'impression qu'on va nettoyer par terre. C'est parfait. Et donc, c'est parti. Le but, arriver le plus loin possible. Est-ce que Toff et la Belgique est prête? Je suis totalement prêt. Je suis chaud. J'ai le dos qui est en train de brûler. Donc tout va bien. Attention. On peut y aller. C'est parti. Je déclare la première... Je vais garder un peu de temps, comme ça crame un petit peu. La première épreuve ouverte, c'est parti, on y va. Attention. Allez, on y va. Attends, quand tu veux, hein, Polo, là, pour glisser. Allez, c'est parti. Et Polo qui se casse la gueule, c'est parfait. Et Toff qui termine quand même pas mal. Alors, pas mal. De mètres, on en est où, là? On est quasiment à la fin. On est presque au bout, là. On a presque passé la ligne. On est presque au bout. Bah, écoute, c'est pas mal. Toff, c'est pas mal, c'est pas mal. La deuxième épreuve. Deuxième épreuve, c'est au tour de Sandro, donc il faut ramener la boule à l'autre bout. Ramener la boule à l'autre bout. On y va, c'est parti. Polo qui est en train de faire marche arrière donc avec Toff. Hein, avec la boule, il ramène la boule, je reviens. Voilà, Polo qui n'en sort plus, qui n'y arrive plus parce que ça glisse évidemment, il n'y arrive plus. Et il va tomber, s'écraser. C'est tout seul. Voilà. Alors que Toff sur le cul, donc une trace blanche, on ne sait pas ce que c'est, je pense que c'est du savon, mais ça pourrait être autre chose. Mais tu fais quoi, je peux rien faire. Allez. Voilà. Donc Toff n'en peut plus, il n'y arrive plus. Attention, c'est Polo cette fois-ci qui va essayer. Oui, remettons du savon, comme s'il n'y en avait pas assez déjà. Ouais, il y en a assez, c'est-à-dire qu'on peut faire toute une vaisselle, on peut faire tout un restaurant là. Bon, allez, est-ce que ça t'aide si je mets un peu de savon sur les cheveux? Non, ça sert à rien les cheveux. Ah bon. Alors voilà. Attention. Voilà. Ouais, je sens bien. On y va. Je peux plus rien. Allez. 2, 3, c'est parti. Cette fois-ci, c'est Sandro qui est en train de pousser pendant que Polo est en train de continuer avec la serpillière à mettre du savon partout. Et c'est ah ouais, ils sont éclatés par terre. Tout le monde est par terre. Tout le monde est par terre, Sandro a réussi à sortir de la piste. Sandro, attention. Et la finale maintenant, celui qui arrivera à me rejoindre le premier. Allez, vite. Sandro qui marche en crabe. Attention. C'est bon, en crabe, c'est bon. Non, en crabe, elle a réussi. En crabe, elle a réussi. Polo se fait un Michael Jackson. Polo se fait un Michael Jackson. Et puis Toff qui n'y arrive plus. Non, moi je reste là. Moi, je vas-y, marche, allez, vas-y, montre que t'es un homme, là. Non, je peux pas me lever, je glisse de partout. Mais non, tu vas pas tomber, là. Non. C'est super stable. Ah bah je vois ça. C'est super stable. Allez viens. Putain. Allez viens. Allez viens chercher le nanos. Bah Toff, tu vas pas mettre 10 ans là, on dirait un vieux là. Je t'emmerde, ça glisse. Oh, allez, plus vite. Mais je peux pas. Plus vite. Je peux pas. Oh là là, ça glisse à mort. Bon. Non, ça va aller, je me débrouille. Allez, vas-y, en plus elle a mis son petit maillot là, vous pouvez voir. Vous pouvez voir, c'est moi qui essaie de le faire tomber par terre, bien entendu. Vous pouvez voir son charmant petit maillot qu'il a acheté je ne sais où. Hein, je sais pas où est-ce qu'il l'a acheté, mais... Non, mais ils sont en train de se faire la fight, là. Et ça y est, Sandro a gagné, il a foutu par terre, ça y est, c'est fait. Donc, ma charmant petit maillot... De chez Decathlon, 3,95€. Ah, très bien, merci pour la promo. Je vous en prie. Avec ce petit bit qui ressort un peu, quand même. Hein, je te remercie, ouais, il est temps de refaire un peu de sport. Un petit peu trop serré, non? De quoi, le maillot? Le maillot ça va, c'est le beat qui d'accord, déborde. D'accord. Bon, vous pouvez voir ça sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Toff, t'en as pensé quoi donc de cette première épreuve? Moi j'ai envie de dire qu'on a été plutôt bon, la piste était un peu difficile, c'était la première fois que... Qu'on l'essayait, mais je crois que l'équipe était là, on était soudés, on a fait le truc, on a fait très le bien. Job et moi j'ai envie de dire qu'on était plutôt bien quoi. D'accord, donc le boulot a été fait et c'était parfait. On a fait le boulot malgré tout, malgré les difficultés, donc j'ai envie de dire une réussite. Fait, bon très bien. Bon Toff, va falloir revenir hein, parce qu'on va faire les appels dans quelques minutes là. Bien sûr, je j'arrive. Très bien, on t'attend, alors à tout de suite, hein, très bien. Merci d'avoir participé évidemment à cette première épreuve qui était donc le curling des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques reviennent demain. Bien entendu. Et il y a un message d'Aurore qui dit « Je suis insomniaque, je dors jusqu'à 5h. Je dors 5h par nuit, j'ai peur de pas me réveiller, lol, et des fois que 3h. » Non mais c'est dingue ça, Aurore, là. Faut dormir plus, ça fait tellement du bien de roupiller quand même, c'est ouf ça. Bon, Adrien ? Oui ? Les premiers Jeux Olympiques d'hiver de saut de ski. Qu'as-tu pensé de l'épreuve de Toff? Mais c'est mieux qu'à la télé quoi. Mieux qu'à la télé, t'as vu. Est-ce que t'as vu la photo de son magnifique maillot plus que moulant. Non, mais faut que j'aille le voir. C'est sûr, il est sur Facebook là. Facebook, Twitter et Instagram, c'est partout. Ouais. Hein. Je ne peux pas le rater. Facebook, ah bah ouais. Marine, t'as été voir toi ou pas? Oui, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu penses de Toff en mode sexe symbole? Voilà. Ça c'est bon, ça, c'est très bien. Mais tu peux le dire, hein, il est pas là, il est parti se laver là, donc tu peux le dire ce que t'en penses. Ça déborde un peu. Oui, ça déborde un peu, hein. C'est ouais. Effectivement le carré. Il t'arrive pas à la cheville, en fait. Oh, je te remercie, Marine. Mais non, elle a raison. Enfin, quelqu'un qui a bon goût, c'est vrai, Marine. C'est très, très bien, ouais, Marine. Oui. Voilà. Bon, Marine, on va parler de sommeil avec toi avant de récupérer Adrien pour les premières fois, là. Alors, Marine, comment ça se passe au niveau du sommeil? 4-5 heures par nuit, pas plus. Mais pourquoi si peu? Accro à Facebook, Skype, toutes les choses comme ça. Ah ouais, mais voilà, mais moi j'aime bien les gentils qui disent « Ouais, mais je suis insomniaque. » Ah bon, mais comment ça se fait? Bah ouais, en fait, comme je suis insomniaque, je joue, je regarde la télé, je suis sur Internet. Bah donc t'es pas insomniaque, en fait, tu dors pas parce que tu fais autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'insomniaque, c'est quand les gens sont au lit dans le noir et qu'ils arrivent pas à trouver le sommeil. Là c'est insomniaque. Mais quand t'es toujours avec ton téléphone, quand t'es en train de faire tout n'importe quoi, t'es pas insomniaque, c'est juste que, bah voilà, t'as pas envie de dormir au final. Bah si, on n'arrive pas à dormir, après on se rabat sur le téléphone. Mais non, mais bah ouais, mais non, mais il faut arriver à dormir, c'est-à-dire que si t'arrives à compter les moutons. Ouais, viens me border sinon. Oui, ça c'est une possibilité, mais je suis pas sûr que t'arrives à dormir plus que ça non plus, Marine. Hein. Ah. Ah bah ouais, forcément. Ouais. Ouais, si pourquoi tu veux, je peux t'envoyer Toff, il roule justement, je peux l'envoyer jusqu'à Metz, hop là, comme une boule non, de bowling. Boup, boup, boup, hop là. Je te le renvoie directement. Ah non, mais une fois qu'il arrive, il est arrivé, Marine, hein. Ça non, on le reprend pas. Hein. C'est pas comme, il n'y a pas d'échange, etc. C'est un peu comme dans les soldes, hein. Une fois que tu l'as. Ah, c'est non échangeable, non remboursable. Ah, non échangeable, non remboursable, on ne fait rien, rien du tout avec. Attends, il y a Jérémy aussi de Bordeaux là, salut Jérémy. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Ouais, très bien, ouais, parfait, bah, je sors du travail. Ah merde, tu fais quoi Jérémy? Je suis dans la restauration. D'accord, très bien. Mais quand ouais. On passe à Bordeaux, on passera manger au resto alors, Jérém? Ouais, bah, y a pas de souci. Hein, écoute. Tu fais quoi à bouffer? Moi, je fais de tout. Hein. Je fais de la cuisine gastronomique, mais surtout des bons petits plats. Très bien. Donc, gastronomique, c'est quand tu payes une fortune pour avoir deux petits trucs minuscules dans ton assiette. C'est ça, à peu d'accord. Près, en gros. Ouais, donc, grosso modo, c'est ça. Très bien, Jérém. Bon, alors, Jérém, toi, tu dors combien d'heures par nuit, toi, en moyenne? Moi, je dors environ 4h30. Hein. Putain, mais c'est super peu, vous êtes fous, hein, ouais, c'est super mauvais. Ouais. Je suis déjà dans la restauration, donc déjà je débauche tard, mais en plus, voilà, je suis depuis 2 mois le heureux événement, je suis papa. Ah, et donc forcément ça braille. Et forcément ça braille et ça mange tous les 3 heures. Ah donc, putain, voilà, mais t'as pas une femme qui peut s'en occuper? Parce que pour le coup, t'as quand même, enfin tu dors, tu travailles beaucoup, donc... Oui, c'est sûr, mais j'ai ma femme en fait qui est cuisinière aussi, donc du coup... Ah oui, d'accord, ok, ouais, forcément, donc ça l'aide pas. Ouais, non, c'est clair. Non, bah, vu comme ça, je suis d'accord. Vu comme ça, donc, ok. Moi, je voulais réagir surtout sur les émotions, le fait de peu dormir fait que les émotions soient plus fortes, et c'est vrai qu'on s'énerve beaucoup plus vite avec la fatigue et tout se montre. Ouais, et puis t'es moins concentré aussi, c'est évident, c'est évident. C'est ça, bien sûr, hein, mais bon, après on prend l'habitude, et après quelques années, je veux dire, on a l'habitude de pas dormir. Voilà, bah dites-nous les autres, hein, appelez-nous, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, là, dites-nous un petit peu comment ça se passe, combien d'heures vous dormez. Je vous ai mis le post sur le Facebook également, là, allez voir Facebook et Twitter. Merci Jérém d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ouais, bah y a pas de soucis, merci beaucoup. Salut, à bientôt, gros salut. Bisous Marine. Bisous, je peux juste te demander quelque chose, Mickaël. Bah vas-y Marine, dis-moi. Est-ce que t'as une date de prévue sur Metz? Elle est déjà passée, on est déjà venu Marine à Metz Nancy là. Bah oui mais j'étais pas là. Ah bah bravo Marine. bravo Marine. Non mais on repassera de toute façon. C'est vrai qu'on avait fait Nancy, pas vraiment Metz, mais on passera de toute façon à Metz, Nancy, Luxembourg, Metz. Tout ça, il y a pas de problème. Si c'est pas, en tout cas, je sais que si mes souvenirs sont bons, il y a bientôt un truc vers Dijon, donc pas très très loin. Oui. Bon, c'est un peu loin, mais ça va encore, tu vois, c'est moins loin que Marseille, par exemple. D'accord. Donc, bon, bah du coup, tu passeras nous voir, Marine. Bah oui, bien sûr, avec bon, plaisir. Avec plaisir, c'est cool. Gros bisous, Marine. Bisous, bonne soirée. Salut, soirée. Ciao à toi. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et venez nous rejoindre également, puisque dans quelques minutes, on va faire les appels avec Toff, les derniers, tant qu'ils prennent sa douche. Et on écoute Fall One maintenant, au cœur de la nuit sans pub. C'est Changes, bienvenue, c'est Fun Radio. Soir sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là, il reste 20 minutes là, continue à balancer tous vos messages. Il y a Jean-Luc qui dit ma première fois c'était à 19 ans et Denis qui dit je donne un défi à Tof qui sort de la radio. Donc la rue qui demande une personne de la prendre en photo et qui le poste sur Facebook. Ah oui, en mode gonzesse. Ah merde. Ah bah là il vient de se rhabiller parce qu'il a été faire le curling, la première épreuve à l'instant là. Bah, on le fera demain je le fais. Bon, très bien. Et puis comme je le disais, il y a la photo de avant curling qui est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis vous pouvez aussi, vous pourrez voir demain la vidéo normalement de cette première épreuve qu'on mettra évidemment en ligne sur le Facebook de l'émission avec plaisir. Bon, avant de récupérer Jérémy, avant de récupérer Adrien également et Arnaud pour parler du sommeil, on va faire les appels maintenant. Allons-y. On vous demandait à quel âge vous avez fait votre première fois et comment ça s'est passé justement. Donc on y va, c'est parti, on appelle ? Allons-y. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, c'est parti, on y va, on appelle. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur. Non, mais vous êtes qui ? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Bah, c'est bien, encore. Bah, attendez, vous n'avez pas répondu à la question, monsieur ? Bah ça vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Bah non, ça te regarde pas. Bah si monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Ça te regarde pas. Bah si monsieur, enfin. Je vous appelle pour ça, donc c'est que ça me regarde. Ah ben non, ben c'est raccroché nouveau, très bien. Hop là, c'est pas grave, on va rappeler encore quelqu'un. On va rappeler encore un petit coup là, une deuxième fois. Allez hop là, on rappelle le monsieur. Ça te regarde pas. Si ça nous regarde, sinon on poserait pas la question. Bah non. Oui. Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé monsieur. T'as eu mon numéro où toi ? Bah dans l'annuaire monsieur. C'est impossible. Bah si monsieur c'est possible. Eh bah non parce qu'il est sur liste rouge donc tu vois que tu t'es fait arnaquer. Bah je me suis peut-être fait arnaquer par l'annuaire mais en attendant on est au téléphone ensemble monsieur. Donc au final répondez à ma question, on gagnera du temps. Eh bah au final je vais appeler les flics et puis je vais leur dire que vous arrêtez pas de harceler. Mais je vous harcèle pas monsieur, je vous appelle juste pour vous poser une question. Eh bah c'est du harcèlement mon gars. Mais non c'est pas du harcèlement monsieur. Si vous répondiez à la question, je vous rappellerai pas. Donc c'est parce que vous êtes un mal élevé. Continue comme ça, je vais appeler le flic et puis je leur donne mon numéro et puis comme c'est te localise, d'accord ? D'accord. Mais vous voulez pas répondre à la question plutôt ? Comme ça on gagne du temps, je vous rappelle plus et... Pardon ? Moi la paix. Ben oui, c'est vous qui voulez pas répondre monsieur, c'est pas moi. Eh ben ça te regarde pas, allez, ciao. Mais oh monsieur, allô. Bah non, il est nouveau raccroché là. Oh là, quel relou. Il casse couille, on va le rappeler. Il n'y a pas de rien à faire, ça te regarde pas. Allez hop. On remet le couvert, c'est parti. Bon, t'as encore pas compris ? Bah non, monsieur, j'ai pas compris votre réponse. Bah c'est cool. Bah, c'est oui. Quoi ? Bah la question c'est de savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel ? À 12 ans. À 12 ans, et votre mari ? Merde, on y était presque là ! Oh là là ! Bon, on rappelle encore une fois. Bah oui. Pour au moins connaître le mari, là. Oui ? Oui, non, donc je disais, et votre mari alors ? Bon, fous-moi la paix. Ça a le mérite d'être clair. Bon, bah, il est parti, il est relou. Bah, ouais, tant pis, c'est pas grave. On mettra le couvert demain avec d'autres questions. Il y a un message de Kevin qui dit moi, je dors 4 heures par jour. C'est vous, ça, je vous écoute jusqu'à 2 heures et je me lève à 6 heures pour le boulot. Oh putain, dur, Kevin là. Oh, bah, ça doit vraiment être hardcore. Non, mais il faut trouver une solution, arrête de bosser. Bah, oui. Ou change d'horaire, voilà. Ouais, tu dis moi, je peux plus me lever à 6 heures. Mais non, voilà, c'est ça, faut arrêter directement. Bon, on parlait des premières fois là, on va prendre Adrien avec nous là, 23 ans dans Lyon. Salut Adrien. Adrien. Ouais, je suis là. Ça va bien, Adrien ? Ouais, si, je suis là. Bon, alors, comment ça s'est passé, toi, ta première fois, et à quel âge ? Ouais, moi, je me propose juste d'aller chercher Marine à Metz pour l'emmener à Dijon, hein. Je voulais juste faire un aparté, vite fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Eh ben, dès qu'on passe à Dijon, tu passeras la prendre, Adrien. En plus, c'est l'auditrice qu'on a eue à l'instant qui a l'air d'avoir bon goût puisqu'elle trouve Tof moche. Oui, ouais, et puis en plus de ça, vu qu'elle dort peu dans la nuit, on va pouvoir s'occuper autrement que Facebook et téléphone. Voilà, c'est exactement ça, t'as tout compris. Bon, eh ben écoute, le message est passé pour Marine. Pour en revenir à la première fois, ouais. Moi ma première fois en fait c'était avec la cousine de ma cousine, donc il n'y a aucun lien familial entre nous deux en fait. Ouais. On avait pas encore 16 ans. Et en fait, on était tous dans la chambre de ma cousine, justement. Il y avait ses copines, ma cousine, tout ça. En fait, on pensait qu'il dormait, mais pas du tout, en fait. Et on s'en est rendu compte au moment où, quand on était en train de le faire, ma cousine elle s'est retournée dans le lit et elle a fait comme ça, quand vous aurez fini, hein, vous me direz quoi. Attends, parce que j'ai du mal à comprendre ce que tu racontes parce que t'as le téléphone dans la gorge. Bah en fait, on avait tous des matelas un peu à droite à gauche, quoi, en mode un peu squatteur, quoi. Voilà, on était jeunes, bon, tout le monde squatte dans une même pièce, quoi. Ah oui, voilà, bah vous étiez une famille ouverte. Ouais, ça c'est ça. Voilà. En fait, nous on pensait que tout le monde dormait. Et mais en fait, non. Voilà, et c'était pas le cas. En fait, on s'en est rendu compte au moment où ma cousine elle s'est retournée, en fait, elle était... Je peux participer. Non, elle a plutôt dit comme ça, quand vous aurez fini, vous nous direz en fait. Donc en fait, ça m'a un peu coupé l'envie, quoi. Donc, j'étais oh la rabat-joie, elle. Un peu dans elle, c'était un peu la première fois, mais bon, j'ai pas pu aller trop loin, quoi. Ah oui, t'as pas pu aller profondément, quoi. Non. Voilà. Très bien, bon bah parfait. Bah merci Adrien d'être passé. Bah, merci à vous, c'est super. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt, Adrien. Ciao. Merwan, encore un truc à ajouter sur la première fois? Non, ça ira. D'accord. Eh ben, écoute, merci d'avoir appelé, Merwan. Tu reviens quand tu veux, merci, et puis à bientôt à Bruxelles. Aussi. Salut, Merwan. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Il y a des packs au BAD également qu'on offre là toute la semaine. On en a plein à vous offrir. Hein. N'hésitez pas, ça vaut 100 euros les sous-vêtements là pour la Saint-Valentin pour madame. Ça peut être bien. Et si vous êtes une fille, bah, c'est pour vous, évidemment, mademoiselle. Offert par. Mesdessous.fr. Voilà. Alors, c'est le pack My Crazy Collection. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Stéphanie. Salut Stéphanie. Tu as envie de sous-vêtements, Stéphanie? Oui. Oui. Tu aimerais bien avoir des sous-vêtements pour la Saint-Valentin parce que ton connard de mec t'en va pas t'en offrir? Parce que j'ai pas de mec, donc ça m'aidera peut-être à en trouver un. Ah bah, oui. Stéphanie, combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui, c'est pas normal. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Les trompettes qui sont un peu emballées là, effectivement. Mais... Écoute, si tu insistes, je viens te le livrer moi-même. Bah super, voilà le cadeau. T'habites où? D'accord. À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ah. Ah, t'iras pas très très loin avec ton autolib, Toff. À Brive-la-Gaillarde, ça va pas être gagné. Ouais, mais il doit bien y avoir un train pour aller à Brive-la-Gaillarde. Oh là là, l'autre il va aller en train là. Il peut plus la raconter, il a plus la bagnole, il a plus le 4x4. Ah oui, parce que, bah oui, pour ceux qui avaient vu le Q5 que Fun nous avait livré, nous avait loué, pardon. L'autre il se l'est ramené, Toff, il a roulé avec, il a dû rouler des mécaniques. Je mettais le coude par la fenêtre, la musique à fond et je tournais dans Paris. Hein. C'est ça. Attends, j'ai fait 22 fois le tour de la Concorde. En plus, j'avais ma tête sur les portes. Ah oui, non, mais je cachais ta tête. Je mettais ma main devant ta tête. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, eh ben écoute, on va te filer le pack alors. Je te fais des gros bisous. Super. Merci, bisous. Avec grand plaisir, je t'embrasse, à bientôt. Salut, salut. Bonne soirée, merci. Ciao. Bisous. Et si vous voulez vous aussi le pack, il n'y a pas de problème. On vous en offre encore un là avant la fin de l'émission. Vous pouvez appeler Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. No problème. On va faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Là aussi, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas hein, pour participer à cette magnifique émission. Oh, une émission d'écoute. Oui. D'écoute, d'amour, découverte, de partage. Exactement, avec Polo, donc, bien évidemment, qui est un petit peu le psychologue de Fun Radio. Donc si vous voulez l'appeler, si vous voulez parler avec lui, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Arnaud, pour terminer sur le sommeil, Arnaud de Nîmes, t'es là Arnaud? Oui, salut Mickaël, salut l'équipe. Ça va bien? Ça va et vous? Très très bien Arnaud, on va parler des heures de sommeil avec toi. Oui, tout à fait. Alors, ouais, parce qu'on s'était rendu compte que c'était super mauvais de pas assez dormir. Ben, moi, en fait, je dors trop. Ah, toi, tu dors trop. C'est pas alors, mal aussi, ça. Alors, vas-y, explique-nous. Ben, en fait, je dors entre 9h30 et 10h par jour. Ah oui, quand même. Oui, c'est effectivement un peu beaucoup, hein. Ouais, un peu beaucoup. Ouais. Donc, disons que vu que je travaille, je finis tard, hein, je viens d'arriver du boulot, et du coup, en fait, je compense avec le sommeil, quoi. Ouais. Ouais, ben, enfin, c'est... Mais il y a un moment, pourquoi tu mets pas le réveil pour te forcer à te lever? Ah, il pète. Allô Arnaud? Arnaud revient. Écoute, si il parle. Vas-y Arnaud. Arnaud? Il s'est transformé en mouche. Putain, une mouche. Arnaud? Allô? Ah, il est de retour. Non, il est là. Ouais, je suis là, je suis parti. Arnaud? Oui. T'es là? Oui. Ah putain, on dirait pas là. Tu parlais comme ça là tout de suite. Attends, je vais nous en débarrasser une bonne fois là. Ouais. Attends. Voilà, un coup de pelle. Putain. Oh putain, il y en a plein là. Parfait, je pense qu'on en est débarrassé. Pouf. Ah, c'est bon. Donc, je disais, tu dormais 9 à 10 heures par nuit, c'est ça? C'est ça. Et donc, pourquoi tu mets pas le réveil pour te forcer à te lever? Eh ben, je disais qu'après, j'avais peur d'être fatigué, c'est pour ça le problème. Non, mais tu sais qu'au plus tu dors, au plus t'es fatigué. Hein. Oui. Oui, ah non mais c'est clair. Moi quand ça m'arrive hein, quand tu fais rien, t'es en vacances ou un truc comme ça. Enfin quoi qu'en vacances, moi c'est l'inverse. J'ai tendance à me lever hyper tôt parce que j'ai envie de bah je suis sur place donc tu sais t'as envie de faire des trucs. Mais quand tu dors tu sais 2-3 nuits comme ça assez longtemps, en fait t'es claqué toute la journée, t'es mort. En fait idéalement c'est vraiment ça, c'est dormir 7h30, ça c'est top. Tu dors 7h30 parce que du coup t'es pas fatigué, tu tiens bien ta journée, tu t'es reposé, t'as fait ce qu'il fallait et t'as pas l'impression d'avoir niqué la moitié de ta journée à roupier quoi. Ouais c'est sûr. C'est sûr. Bah moi je le ferai en tout cas à ta place, après tu fais comme tu veux. Hein, mais écoute, j'essaierai ce soir et puis bah, mets le réveil, voilà, là tu vas dormir à 2h quand l'émission est finie, tu mets le réveil à 9h30-10h et puis voilà. Ouais, c'est vrai, je peux essayer. Eh ben essaye de faire ça. Moi par exemple, mais je vais dormir à 4h, vers 11h30, normalement je suis debout, tu vois. Parce que, bon c'est vrai que c'est quand même rare, mais sinon, d'habitude je dors par quoi? Je fais quoi 6-7h par nuit, mais là je sais pas ce qui se passe, je suis fatigué ou quoi, de trop dormir, c'est pour ça que je dors beaucoup. Mais je te le confirme quand t'es fatigué de trop dormir, ça c'est évident. Hein, donc. Bon ben essaye Etienne au jus. Ça marche, pas de bon, ça roule. Salut Arnaud, à tout de suite. Allez, salut. À tout de suite, à bientôt Arnaud. À tout de suite, et genre, on va revenir dans quelques minutes là. Bon, on va. Il me reste encore un titre là. On a pas eu une nouvelle de notre ami. Comment il s'appelait encore, j'ai oublié. Mathieu. Mathieu, qui était en train de draguer dans un bar. Ouais. Il avait demandé qu'on passe Baby Bash avec Suga Suga. Bon, ouais. Du coup, je me dis qu'on va le mettre. Oui. Ouais. Bon, ouais, on va se le mettre, on va se faire plaisir. En plus, ça fait c'est un bon vieux son là. Ça fait longtemps qu'on l'a plus entendu sur Fun, donc on va se le remettre dans quelques minutes. Et puis, Polo contre le reste du monde pour participer, eh ben, appelez-nous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est le numéro d'ailleurs hein, qu'il faut composer, n'hésitez pas. Comme promis, un bon vieux son là, Baby Bash. Suga Suga. Ah, on a chillé là avec le son de Baby Bash. Hein. Ouais, et tof à chier. Ah, merci à Mathieu de l'avoir demandé, la Baby Bash avec Suga Suga. Et effectivement, pendant qu'on chillait, eh ben tof chier. Hein. Chacun son délire. Hein. Mais complètement, mais moi j'adore chier. Bah voilà, bah écoute, tant mieux. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est. Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, dernière ligne droite sur Fun Radio au cœur de la nuit sans paix. Vous avez vu, on vous fait pas chier sur Fun Radio. Hein. On est là, il y a le son, ouais. La pub, pépère. Hein, pendant que parce les autres, qu'on évidemment, aime les auditeurs. Il y a de la pub tout le temps, etc. Ouais. C'est oh une là galère là. Sans nom là. Plus des pubs qui servent à rien. Oh là là. Ah bah je confirme. Oui, t'es curieux. Exactement. Tanguy qui dit 7h30 de sommeil, t'es fou. Non mais c'est vrai. Hein. Julien qui dit oh putain, le tir me disait pas grand chose, mais là, mort de rire, c'est. Le titre me disait pas grand chose, c'est terrible, c'est hyper vieux. Écoutez ça, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ouais, je crois que ça date de 2003 ou 2004. Il y a Mugiwara qui dit merci beaucoup, l'équipe de Mickaël No Limit pour les places pour Star Wars Identities. Vous êtes au top. Avec plaisir, Mugiwara. Je rappelle qu'on sera en direct de 21h à 23h à la Star Wars Identity. Ce sera à Paris jeudi soir. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, il y a encore des places hein, pour les fans de Star Wars. On fait une spéciale le 21h à 23h. Et puis on fera l'émission normale de 23h à 2h, comme d'hab, bien sûr. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Il suffit simplement d'appeler Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Manon qui dit pété de rire. Il s'est transformé en bouche. Non, mais c'est vrai en plus. C'est bizarre dans le téléphone. Et Valoche qui dit c'est quoi ce maillot bien pour Aftoff? 3,95€ chez Decathlon. Oui, non, ça on a compris, mais enfin ça reste un maillot pour Ave. Bah oui, mais en même temps, j'allais pas niquer un maillot à 20€ chez Adidas. Oh l'autre, à 20€. Genre, il est jeune. Genre. Ouais, genre. J'ai mis 20€. Bon, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes, et avant ça, il y a Jérémy de Marseille. Allez, ouais, Paris. On est là. Et on est là. Allez, Paris là. Allez, comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Alors moi j'appelle parce que j'ai un gros problème en fait. Ouais, attends, t'as un gros problème? Attends, il y a un ami à toi là qui est là. Oh putain de Parisien! Voilà. Ah, c'est mon cousin, c'est mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérém? J'ai un gros problème, c'est que bon, je suis accro à la musculation. Ouais. Depuis 3 ans maintenant, et maintenant je suis j'ai passé une étape supérieure, je suis accro aux stéroïdes en fait. Oh là là! Mais et en fait tout ça c'est juste pour faire de la gonflette. Ouais, oui. c'est pour se forger un corps d'homme, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin c'est pour bon. Pour forger ouais. Un gros corps. Et moi, je suis pas un PD, tu vois, je pousse 160 kilos développé couché. Ça n'a rien à voir. Eh non, mais ça, c'est pas que ça a rien à voir. C'est que, en fait, maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'effets secondaires. C'est l'agressivité. J'ai les couilles qui ont rétréci, tu vois ce que je veux dire, c'est plein. Mais c'est t'as les couilles qui ont rétréci. Bah non, en fait, elles ont juste la taille normale, c'est toi qui a gonflé. Non, c'est les couilles, elles ont rétréci. Mais oui, ça te détruit les couilles. Ça me détruit mes couilles, ouais. J'ai une gynécomastie, c'est-à-dire j'ai les seins en fait qui ont poussé en fait. Oh là j'ai là les glandes de ma mère qui sont développées. Et j'ai perdu mon travail, j'ai beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et t'as perdu les t-shirts aussi à mon avis parce que les manches elles ont dû péter, non? Ouais, exact aussi, j'ai dû refaire la garde-robe. Ouais. Putain. Mais pourquoi t'arrêtes pas alors? Parce que je veux tellement devenir énorme en fait, mais le gros problème que j'ai maintenant c'est que je bande plus non plus. J'arrive oh putain, plus mais toi t'as tout perdu là mec. Hein. Parce que j'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie là, je suis dégoûté. Tu n'as pas écouté la fable de La Fontaine, le c'est quoi Toff, la grenouille qui voulait être plus grosse. Non, la grenouille qui voulait être plus grosse qu'un bœuf. Voilà. Ouais, bah voilà, bah moi je suis la grenouille qui va être plus grosse qu'un bœuf. Ouais, ouais bah oui, mais c'est ça. Et bon, écoute, alors ce que je te propose, Jérém, c'est qu'on en parle demain 23h en début d'émission et on va demander aux filles si elles aiment bien les mecs musclés, tiens. Parce que c'est vrai que c'est un bon. Rappelez-moi, ouais. Ben on va faire ça, on en parle dans le début d'émission et on va demander aux filles si effectivement elles préfèrent les mecs musclés ou les mecs comme Toff un peu fat. Un peu flappy. Ouais, un peu flappy. Aussi, ouais. Voilà, on fait comme ça, ouais. Bon, à demain, Jérém. Allez, à demain, les ça gars. Ça roule, salut à toi. Ah bah, t'inquiète pas Jérém. Bon et puis il y a encore un pack Obad à offrir là maintenant. C'est parti, avant de faire polo contre le reste du monde. Oui. Allez c'est parti, le pack Obad sous-vêtements offert par Medesous.fr. Qu'on offre toute la semaine, on en a plein, on fait péter ça toutes les 30 minutes. Plus ou moins, hein, on n'est pas dans le détail non plus. Hein. Vous avez remarqué qu'on n'a pas. On n'est pas super au top de l'horloge, hein, mais bon. Allez. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, bonjour. Marine. Salut Marine. Bon Marine, oui. Tu veux les sous-vêtements? Oui, tout à fait. Tu es au bas de 100 euros parce que ton enculé de mec, il a rien prévu pour la Saint-Valentin? Non, c'est carrément faux. Il est parfait. Oh! Et toi, t'es parfaite aussi, j'imagine? Ouais, parfait. Oh! Et pendant ce temps-là, il est en train d'en prendre une autre? Non, pas du tout. Il dort. Il travaille demain. Mais il dort ouais, à côté de toi ou pas? Oui, tout à fait. Bon, alors d'accord, on peut rien dire là. S'il mais est à lui côté, un doigt dans le cul. Oh! Juste pour voir ce qu'il dit. C'est vraiment dégueulasse, toi. T'es vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un autre plaisir qu'il a besoin de découvrir. C'est ça. Bon, Marine, on va te filer le pack. Donc, comme promis, hein, le pack de chez Obad offert par Medesous.fr. Voilà. Je te fais des bisous. Je t'embrasse. Merci à bientôt. Beaucoup, bisous de ça. Salut. Et puis, il y en a encore un gagné avec le top Twitto. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant ça, eh bien, je propose de laisser Polo prendre l'antenne. Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Je suis obligé de changer de place parce que je n'ai pas de standard position. Il est obligé de prendre la place de Toff qui est donc la place de l'enculé. C'est ça, et ça sent mauvais, il y a des crottes de nez partout, c'est un peu bizarre. Une angoisse. Donc bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous le savez, cette émission où nous parlons, nous discutons et nous essayons de nous aimer un peu, même si c'est pas évident. N'hésitez pas à appeler qui que vous soyez, vous êtes là et vous êtes le bienvenu. Ici Victor pour commencer ce Polo contre le reste du monde. Allô. Salut Victor. Salut. Dis-moi, tu n'as pas muet ou tu es une fille? Non, je suis un garçon, mais bon, j'ai pas qu'est-ce que tu veux? On s'en fout, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Arrête de me raconter ta vie. Et toi, me parle pas comme ça, toi. Alors casse-toi, oh là là. Anthony, dans le polo contre le reste. Grosse dédicace à 2LS, David et Ben. Oh là là là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? El Negrito. Ouais. Qu'est-ce que c'est un pseudo érection? Non. C'est un disque dur. C'est pas drôle, le dormeur. Ouais, Polo. Ouais, le dormeur. Ouais, j'arrive pas à me réveiller. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Mais t'es où là exactement? Bah, dans mon lit. Mais oui, mais tu dors? Bah, oui. Mais attends, mais je comprends pas comment on peut communiquer si tu dors. Mais je sais pas non plus. Est-ce que tu es idiot, le dormeur? Bah, peut-être. Tu es un imbécile. Sûrement. Mets-toi une baffe dans la gueule, le dormeur. Attends. Ah non, ça marche pas. Sandro! Oui, bonjour! Bonjour, Sandro! J'ai une question à te poser, Polo. Écoute, Sandro. Comment on travaille comme toi dans le Polo contre le reste du monde? Ah, je vais faire ça plus tard. Mais c'est tout un parcours, jonché de haine et de problèmes, tu sais. C'est pas facile d'arriver là, tu sais. Raconte-moi. Il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vont te détester sans raison. Et tu des dois. Bâtons dans le cul aussi. Ah, c'est drôle, Sandro, ça. Oui. Imbécile, allez, casse-toi, Victor, le retour. Oui, attends, fais pas le malin, casse-toi de là. Victor, c'est moi qui contrôle le standard, donc arrête d'hurler, fais pas l'idiot, sois intelligent. Victor. Je suis pas le... Allez, casse-toi, le perroquet. Le perroquet. Allô, le perroquet. Allô, le perroquet. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Bon, le perroquet, t'as autre chose à dire? Bon, le perroquet, t'as autre chose à dire? Non. Non. Bon, le perroquet. Bon, le perroquet. Tu vas rester longtemps comme ça, le perroquet. Tu vas rester longtemps comme ça, le perroquet. Parce qu'on peut rester longtemps, tu sais. Parce qu'on peut rester longtemps, tu sais. Bon, et le perroquet. Bon, et le perroquet. Bon, le perroquet. Anthony, dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Dédicace à la DLS. Oh, allez, dégage d'ici définitivement. Je te vire de Polo contre le reste du monde. Car c'est moi qui maîtrise avec mon doigt. El Negrito. T'as quoi comme voiture, Polo? J'ai une Porsche. Ah, je pensais que t'avais une Polo. Eh ben non, j'ai une Porsche. Le dormeur dans Polo contre le reste du monde. Ouais, ouais. Polo. Tu dors toujours? Bah oui. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah me réveiller. Bien sûr, ouais. Sandro. Oui, je peux venir travailler avec toi, s'il Non, te surtout plaît. Pas, Sandro. Victor, t'as compris que c'était moi qui contrôlais le merdier ou pas? Oui, c'est toi, est-ce voilà. Que t'es une femme? Oh là là là là, mais il est bête celui-là. Alors, le perroquet retour dans Polo contre le reste du monde. Le perroquet retour dans Polo contre le reste du monde. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, qu'est-ce que tu veux? Le perroquet, qu'est-ce que tu veux? Le perroquet, qu'est-ce que tu veux? Le perroquet. Le perroquet. Arrête de répéter. Arrête de répéter. C'est pas bien le perroquet. C'est pas bien le perroquet. Le perroquet. Le perroquet. Tu es dans Polo contre le reste du monde. Tu es dans Polo contre le reste du monde. El Negrito. Ah, tu chies un peu ou pas? De quoi? C'est chiant, allez, fous le camp d'ici pour vulgarité. Tu as été viré pour vulgarité. Le dormeur dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Ouais, Polo. Ouais. En fait, je crois que je rêve de ton émission. Oh, c'est super. Allez, Sandro. Ouais, s'il te plaît. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Particulièrement, soit vous êtes mauvais. On va faire un dernier tour dans Polo dans le reste du monde avant de terminer. Le perroquet. Le perroquet. Le perroquet, on va dire au revoir. Le perroquet, on va dire au revoir. On s'en va, nous. On s'en va, nous. On y va. Au revoir le perroquet. Au revoir le perroquet. Allez, casse-toi, Victor. Allez, dégage d'ici. Qu'est-ce qu'il est bête celui-là, Sandro. Sandro. Suce ma bite. Oh là là là là. Le dormeur pour terminer. Ah, il dort. Le dormeur. Le dormeur. On va se quitter sur ces ronflements magnifiques dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio toujours. Mickaël est là, il est de retour. Eh oui, allez, évidemment, je reprends ma place. Il était sympa le perroquet, hein? Il était très très drôle. Bah je trouve, hein. Non, franchement, c'était le plus bel animal dans tes auditeurs. Beau, grand, fort comme ça, avec ses belles plumes vertes. C'est vrai, faut le dire. Bah oui, un perroquet brésilien. C'est vrai. Paraît-il. Magnifique. Bon, Emeline qui dit l'équipe, vous êtes les meilleurs, déchirés tout, je vous aime. Et puis dans 5 heures, je dois me lever pour aller au bahut, mais je peux pas dormir à cause de vous. Comment ça, à cause de nous? Bah non, quoi, tu vas pas beaucoup dormir à cause du bahut. Bah allez, ce qui n'est pas exactement la même chose, si je puis me permettre. C'est vrai. Ah bah oui. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir, comme d'habitude. Ah bah double top tweet ce soir, hein. Vous avez mis Toff également, top tweet, le con là. Qu'est-ce qu'il fout? C'est normal, là, c'est normal, c'est normal. Bah oui, non, enfin c'est normal. En tant, pas que, là, en tant que boule de curling, c'est normal. Si vous pouvez mettre aussi Polo et Sandro, ça serait le top. Ah ouais, c'est ça, oui, bah oui, bah tant qu'à faire, évidemment. Bon, et eh ben en tout cas, on va se faire le top tweetos maintenant, justement, puisqu'on parlait de Twitter. Mais c'est le deuxième qui est censé gagner donc le pack Obad, offert par Medesous.fr. De My Crazy Collection, des sous-vêtements qui valent quand même quasiment 100 euros. Et il fallait être le deuxième auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, et donc on va vérifier. Maintenant, je rappelle que si le deuxième a déjà gagné, on ira voir le 2, 3e, 4e et ainsi de suite. Numéro 5. Magda. Numéro 4. Julien. Numéro 3. Let's be free. Évidemment. Numéro 2. Mademoiselle Océane. Qui a déjà gagné, me semble-t-il, oui, non? Hier. Ah bah oui, hier. Bah oui, bah bravo, Mademoiselle Océane. Bah alors. Et numéro 1. DJ Roms. Ouais. DJ Roms, c'est pas DJ Roms? Bah t'es enculé, gros connard. Voilà, parce que t'as déjà gagné, me semble-t-il. Hein. Oui, aussi. Ah, bah. Ouais, donc je crois va que aller... Let's be free, elle en a pas eu. De quoi, si. De sous-vêtements? Ouais. Ah non, elle en a pas eu. Ah oui, c'est possible. Elle bah, a plein de godes, mais elle a pas de sous-vêtements. Ouais, bah comme ça, elle pourra faire une petite doublette. Tiens, bah c'est oui, comme ça, elle pourra aller frotter en même temps. Exactement. Bon. Et il est bien avec sa meuf, hein, pour sa Saint-Valentin. Bah, grave, il grave, la met bien. Moi, je la mets bien. Attends. Ah, il la met très, très bien. Très, très, très, très bien. Bon, et ben voilà, merci les Bifrix d'avoir été connectés ce soir. Il y avait Mick 1035, il y avait Léna, une nouvelle venue. Jérémy Titi également, il y avait Christophe qui a bien participé également. Indiul Piu Piu qui a bien participé mais qui est pas dans le top 5, Indiul Piu Piu. tu m'as déçu là. Elle a l'air super belle, Injul Piu Piu. Ouais, mais elle était pas dans le top 5. Adeline également qui était là, il y avait Tom, Amy Claude, Julien, il y avait qui aussi, Mickaël qui était là, il y a ce Skytronic, le prince Nadia, etc., etc. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Twitter, Facebook, continuez à passer le message autour de vous. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Continuez à faire passer le message. Bien entendu, générique de fin. Wepa ! Allez ! 1, 2, 3 ! Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé ! Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé ! T'aimes tellement de ça faire t'enculer ! Donc tu comme toi ! Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé ! Car ton cul te donne ton oncle, t'es un enculé ! Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée ! Qu'est-ce qui se passe ici ? JB est un enculé ? Bah oui, mais ça on le savait déjà. Ah, pardon ? Ah, t'as été coupé, mon con ! Je veux quoi ? Je te crache sur la tête avec tes cheveux de rouquin de merde ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Collector, celui-là ! Que veux-tu ? Ils sont canadiens ! Je vous t'emmerde ! Toi l'enculé ! Toi l'enculé ! Toi l'enculé ! Toi l'enculé ! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé ! L'enculé, et tellement ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et voilà, une de moins, merci ou une fête de plus, à vous de voir. On se retrouve demain sur Fun Radio à partir de 23h. Amusez-vous bien, bonne journée demain au bahut, bonne journée demain au boulot si jamais si jamais vous y allez évidemment. Et puis bonne journée de chômage pour ceux qui n'ont rien à foutre. Voilà, on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est l'ami JB qui est là. JB dans la radio. Oh, l'autre il s'emballe. Hein. Oh, l'autre il s'emballe. Il va t'emballer. Non, alors certainement pas. Même pas en fait. Je sais que t'aimerais bien. Je sais que t'as fait ton coming out. Ça y est, c'est fait. Mais malheureusement, ça ne servira. Ça ne sert à rien. Non, bon, ça ne sert à rien. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu te fais fourrer, JB. Je déteste ça. Oh. Les grosses carottes. Ah, c'est lui. C'est toi qui. Qui prend les, qui prend les choses en main, quoi. Ah, toujours. Ça, ah bah très bien, parfait. Bon, alors, il est comme ça, JB. Bravo. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah bah, il y a de la vanne, il y a du son dance floor, il y a de la meuf aussi. Enfin, il y a de tout ce soir. Il y a de la vanne et de la meuf. Il y a de la vanne et de la meuf. Est-ce que ça te fait pas rêver, du son dance floor? Pas du tout, non. De la vanne et de la meuf, tu peux faire quoi? Des mecs et... Non. Tu veux quoi? Rien. Ah bah d'accord. Il veut rien, il veut rien. Il veut rien. C'est son choix. Est-ce que tu veux pas qu'on s'écoute un petit Daft Punk Instant Crush? J'adore ce morceau. Ouais, mais je l'ai mis il y a une heure et demie. Ouais, ça va même. JB, il est mais en révolte. Parce que hier tu m'as scandalisé parce que j'ai pas mis le je sais pas quoi. Alors 2h09. Bah Déoro alors on met. Non parce que hier tu m'as dit que le premier titre c'était tout le. Il fallait mettre le premier. Et là il t'arrange pas, c'est Jason Derulo. Non, c'est Easy. Ah non, c'est Jason Derulo avec Dirty Talk. Il y a un bug dans le logiciel. Ouais, bah je m'en fous, moi je me fie au logiciel, pas au papier moi. D'accord. Bon, bah juste après il y a Déoro. Peut-être. Bah y a, c'est sûr. Bah ouais. Bah il transpire beaucoup, il met du déodorant. Voilà, je voulais la faire, je l'avais dans la tête. Mais t'aurais pas dû. Ouais. Je crois qu'on a perdu JV définitivement. T'en la joues ? Vas-y. Voilà. Ça m'excite, tu sais. T'es vraiment bizarre comme mec. Et ça, ça t'excite ? Ouais, de temps en temps. Et vous faire foutre, je faisais tête de con. Vas-y, on a...